Et je vous remercie tous d'être là pour cette séance du séminaire Digital Humanities de l'HESS. Ça, c'était pour l'enregistrement. Afin qu'on sache de quoi on parle, qui est une séance originale pour nous à plusieurs titres. D'abord, il y a plusieurs invités, même plusieurs séries d'invités. Je vais vous dire ça dans un instant, mais vous avez vu l'annonce. Ensuite, c'est une séance qui peut paraître disciplinaire, ce qui n'est pas notre cas d'habitude, dans la mesure où elle s'inscrit dans un champ en particulier, l'étude de l'Antiquité. C'était pas si vrai que ça. Et même, elle paraît être centrée sur un texte, ce que nous n'avons jamais fait, de fait. En réalité, il y a des approches qui sont très différentes qui seront évoquées, du côté de l'analyse de la réception d'abord, en un sens très large, et puis de l'autre côté, un projet encore plus difficile à catégoriser, qui serait peut-être de l'ordre de la diffusion des savoirs, sous un format expérimental, et un projet qui continue à s'inventer, puisque c'est la dernière dimension. Nous avons une participation d'étudiants, de masters, qui collaborent à un projet, et que la dimension pédagogique, habituellement, on avait eu l'occasion de la traiter, mais en tant qu'enseignant, finalement, ce qui n'est pas la même chose. Et puis aussi, dimension originale, c'est que, comme je suis partie prenante de ce projet pédagogique, en plus, je suis directement concerné. J'avais proposé la structure suivante pour cette séance. En quelques minutes, une introduction. J'ai appelé ça à resituer les projets en question dans le paysage des digital classics. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas du tout antiquisants ici. Ce qui est tout sauf une tare. Peut-être que quelques informations que je leur donnerai pourront leur être utiles, mais mon but est d'être rapide. Et ensuite, nous entendrons donc d'abord Marianne Reboul, qui travaille à une thèse qui concerne l'alignement de comparaison, et donc la comparaison entre l'alignement de traduction, c'est ce que je voulais dire, ce qui est une technologie tout à fait en plein développement actuellement, et qui est particulièrement intéressante pour des antiquisants, parce que ça veut dire qu'on instrumente l'analyse de la réception de l'Antiquité, en plus qu'on fait de la stylistique diachronique. Marianne travaille au Labex Hopville, notamment, et donc à Paris 4. Et puis le projet dont je parlais, projet pédagogique, est un projet qui réunit des masters de l'université Paris-Ouest, Paris-Ouest, Paris 10, Nanterre, le master Humanité classique et Humanité numérique, qui a introduit les humanités numériques il y a 2 ans dans son cursus, et puis le master de Paris 8, création et édition numérique, pour lequel Arnaud Laborderie, qui interviendra, donc, a lancé un projet qui porte sur l'Odyssée également. Un projet d'édition numérique, c'était la catégorie qu'on avait donnée au tout début, qui a à la fois un arrière-plan très riche, puisque ça s'inscrit dans un projet plus vaste, et Arnaud en fait travaille sur l'exploitation automatique des données de la BNF en particulier, donc on verra, on parlera de cette perspective-là, et en même temps un projet plus précis qui, en partant de la notion d'édition, se pose la question de ce qu'est une édition aujourd'hui selon le public auquel on s'adresse. Le but, dans un séminaire, dans un travail de master collaboratif entre 2 formations très différentes, n'est évidemment pas de faire une édition critique savante, et je dirais que les spécialistes n'ont pas encore inventé l'édition critique savante numérique, quoi qu'il en soit, mais plutôt de voir de quelle façon une édition est aussi une exposition, est aussi une application, dans quelle mesure c'est peut-être le format de la tablette et l'interactivité avec l'usager qui est au premier plan. Donc ça, c'est le genre de questions que nous aborderons dans un deuxième temps. Plus, je crois, il y aura de communication entre les 2 exposés, donc 2 réactions de votre part à ce que dira Marianne, 2 réactions de Marianne au projet, elle y est liée d'une certaine manière, et vice-versa, plus ce sera intéressant. Si ce cadre vous convient, voilà, je donne donc une brève introduction. Ce que je voulais dire, c'est que les Digital Classics sont un champ d'activité, dans la mesure où ce nom recouvre quelque chose quand vous faites une requête sur Google. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une communauté qui s'appelle Digital Classicist, qui existe depuis plusieurs années, qui tenait un séminaire, d'abord à Londres, ensuite s'est étendu à Berlin, il y en a une nouvelle version qui va commencer aux États-Unis également, et quand on observe les ramifications, on trouve de la bibliographie, on trouve des institutions, on trouve véritablement une communauté internationale, très ouverte, qui est partie du monde anglophone, mais qui actuellement est véritablement très internationale. Notamment par le fait bien connu que beaucoup de gens qui sont italiens ou maintenant d'Europe de l'Est, par exemple, vont faire des masters puis des thèses, typiquement à Londres. Et par ce biais-là, dans cette communauté des Digital Classics, on commence à retrouver un milieu très international et des gens qui, de nouveau sont repartis dans différents pays, je dirais. Donc le réseau est véritablement en plein développement et intéressant. Les études classiques ont commencé, ça vous le savez, de manière générale à utiliser les technologies numériques dès qu'elles ont existé. Souvent, je dis que tout commence par des marottes et par des projets individuels, des intérêts d'enseignants, de chercheurs, qui, je dirais, sur leur temps libre, et en bidouillant, avant le web et après le web, cherchent à travailler différemment. Alors parfois, ça leur donne une réputation de technicien, ça rejoint leur centre d'intérêt de chercheur, ça leur donne des responsabilités dans leurs institutions. Mais ce modèle-là, qui continue à exister et à être assez important dans la culture, je dirais, d'un milieu comme celui-là, n'est plus du tout le seul, puisqu'il y a vraiment des cadres institutionnels qui existent. Si on prend une discipline comme l'archéologie, il est bien évident que la question se pose à peine. C'est-à-dire que les méthodes quantitatives sont d'un usage tout à fait courant, on ne peut pas faire grand-chose sans méthodes quantitatives, et les technologies numériques, les bases de données, la géolocalisation, les cartes, se sont introduites au fur et à mesure, en suivant l'évolution des technologies. Donc ce n'est pas sur ça qu'on insistera, mais que ce soit du côté du dessin, du design par ordinateur, de la réalité virtuelle, de la 3D, de l'imagerie numérique de manière générale, aussi l'archéologie a toujours été moderne, c'est-à-dire constamment dépassée, puisque les technologies ne cessent d'évoluer. L'histoire de l'art, si je continue à faire une sorte de parcours de ce qui constitue les études classiques, est aussi un lieu dont on est plutôt un lieu dont on dit qu'il y a eu une certaine résistance à l'introduction de technologies numériques. Et en même temps, du point de vue de l'usage des bases de données et du point de vue de l'interopérabilité de ces bases de données, du point de vue des images, on a vu évidemment un certain nombre de projets. La question qu'on peut se poser, c'est si ces différents champs, par rapport au champ qui est encore souvent central, celui de la philologie, en un sens très large, travailler avec les textes, ne sont pas extérieurs, en quelque sorte un peu marginaux, alors que c'est souvent au texte que l'on pense quand on pense à la technologie numérique plus antiquité. Est-ce qu'il y a une spécificité de cette étude des textes dans les digital classics? C'est, je crois, la question la plus ardue. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique, et donc dans quelle mesure c'est intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se fait et d'avoir ce champ des humanités numériques comme référence pour échanger sur des projets qui peuvent sembler très différents par leurs matériaux et qui en réalité, entre médiévistes et antiquisants, entre modernistes et spécialistes d'autres périodes, peuvent être tout à fait semblables. Ce qui est certain du point de vue de l'histoire de ce champ-là, c'est que dans la Vulgate, on voit bien apparaître très vite des projets qui ont rapport avec l'Antiquité, puisque le père fondateur, même si cet acte de fondation a une histoire, est une constitution historiographique dont on commence à étudier les racines, c'est Roberto Busa, un jésuite, qui, pour étudier Thomas d'Aquin, travaille sur cartes perforées assez vite, puis sur tous les supports existants jusqu'à l'achèvement de son Index Thomisticus, à partir de la fin des années 40 jusque dans les années 70, donc, travaille à une concordance et à de la philologie, qu'on peut appeler de la philologie numérique, fondée sur la systématisation de données encodées. C'est assez difficile de dire ce qui se passe entre la fin des années 40, Roberto Busa, et puis, mettons, les années 70, en réalité. Et là, il y a tout un champ d'archéologie des différents champs de savoir qui serait utile pour l'Antiquité, pour les différentes disciplines, les communautés, en particulier françaises. On sait qu'il y a des travaux qui vont dans ce sens-là, qui s'inscrivent dans cette vague très générale, jusqu'aux années 70, de la philologie, de la stylistique en particulier, où l'analyse textuelle a recours à des méthodes mécaniques de systématisation du traitement de l'information textuelle. Avec l'évolution des supports, les choses changent évidemment. Et quand je parlais des années 70 comme une césure, c'est aussi parce que pour l'Antiquité, c'est tout à fait évident, on a les bases de données qui apparaissent, les bases de données textuelles, avec le TLG, le Thesaurus Linguae Graecae, au début des années 70, donc en 72-73, mais aussi au fil des années, la base de données de la bibliographie classique, une liste de discussions, de compte rendu de Brain Moore, le début des banques de données de Papyrus, et puis également le projet Perseus. Et le TLG et le projet Perseus restent deux grandes références auquel on pense lorsqu'on regarde tout simplement ce qui se fait en latin et en grec actuellement. Ça commence dans les années 70 et 80, mais à partir des années 80, il y a aussi une consolidation institutionnelle, comme je le disais. De même qu'il y a des associations, des revues pour les humanités numériques plus généralement, ou pour le Humanities Computing, on a dans le milieu classique un développement avec l'ordinateur personnel et tous les moyens de communication modernes de projets plus petits, plus éclatés que ces grands projets centralisés extrêmement dispendieux d'infrastructures. Et le web aboutit à ce que dans beaucoup de départements, dans beaucoup de pays différents, on cherche à mettre en ligne des textes, mettre en ligne des concordances, et avec des projets parfois plus originaux que cela. Ce qui est important, c'est de voir, pour reprendre justement les mots de Greg Crane, le fondateur de Perseus, du projet Perseus, c'est s'il y a effectivement un âge d'or de la philologie qui est à venir. C'est ce qu'il disait en 2004 dans le Companion to Digital Humanities, quand il cherchait à faire une rétrospective de ce qui s'était passé, en particulier du point de vue de son équipe depuis 1982 ou 1984, il disait que l'évolution à laquelle il avait assisté, qu'avait traversé donc son projet, lui faisait penser qu'il y avait un âge d'or de la philologie, parce que l'analyse devenait multilingue, véritablement, bonjour, parce qu'on avait une nouvelle dimension d'annotation des textes, et d'annotation collaborative qui apparaissait, parce que les bibliothèques devenaient plus pérennes, on retrouve le thème que j'ai annoncé tout à l'heure de cette interopérabilité, et finalement parce qu'on pouvait avoir une science de l'Antiquité globale, quelque chose qui prenne vraiment en compte les données archéologiques pour parler des textes, les données historiques pour parler de l'art, etc. Un thème que j'extrais de ce réseau de possibilités, un peu en ébullition en ce moment, c'est celui de la visualisation. Le terme est très vague, mais si je le fais, c'est parce que le projet sur l'Odyssée est parti aussi de l'idée de cartographier l'Odyssée, ce qui est un rêve savant ancien, dont alternativement on a dit qu'il allait renouveler toute l'étude de l'épopée, ensuite qu'il était parfaitement naïf et qu'il devenait ringard, vouloir dire Circé a habité à tel endroit et Ulysse s'est reposé 3 jours à tel endroit, peut sembler maintenant complètement grotesque. Et en même temps, d'un point de vue anthropologique, ça peut être une réflexion intéressante, et surtout, du point de vue de la communication vers un public plus large de l'Odyssée, ça peut être très intéressant, parce que c'est quand même la manière naïve de raisonner. C'est un voyage. Et donc, comme le disait Victor Bérard, eh bien, peut-être qu'il s'inspire des Phéniciens, et que, effectivement, tous les passages s'éclairent si on imagine qu'on est à bord d'un bateau à quelques milles marins de la grotte du Cyclope. Voilà, ces choses-là sont plus compliquées, mais encore faut-il le dire et pouvoir le montrer. Et comment peut-on à la fois faire une carte et ne pas faire une carte? Ou donner à comprendre la richesse du problème, par exemple? Ça fait partie des questions qu'on se posait. Je ne dis pas qu'on a trouvé déjà des solutions, mais ça faisait partie de nos problèmes. Donc la cartographie fait partie de ce mouvement-là. Et c'est l'exemple de projet de Digital Classics que je prends souvent, l'exemple du projet Pelagios, qui est un consortium, en réalité, de projets plus vastes, mais qui a développé une plateforme d'annotation des noms de lieux qui s'appelle Recogito, qui est tout à fait ouverte, qui elle-même est fondée sur l'utilisation d'un certain nombre de gazetteers, dont Pléiades, qui comprennent plusieurs dizaines de milliers de noms de lieux antiques, géolocalisés. Ce qui veut dire qu'on est déjà dans le cadre de l'interopérabilité et de projets qui cherchent à définir des standards et un appel automatisé par des API aux bases de données qui elles-mêmes étaient déjà des projets collaboratifs. Donc là, on a vraiment une constitution d'un milieu et un développement de techniques qui commencent à pouvoir communiquer les unes avec les autres. Cette question de l'interopérabilité et des standards est liée aux institutions, donc je mentionnerai 3 institutions. D'abord, tout un groupe de projets liés à Perseus. Le projet Perseus est né à Tufts University sur la côte est aux États-Unis, mais son fondateur, Greg Crane, son principal porteur, depuis quelques années, est aussi à Leipzig, où a été créée une chaire Humboldt de Digital Humanities. Ce qui veut dire aussi que, plus que par le passé, Greg Crane et tous ceux qui sont dans son orbite, je dirais, cherche à voir de quelle manière l'Europe et les États-Unis peuvent travailler ensemble, de ce point de vue. Un autre projet auquel l'équipe de Crane n'est pas étranger, c'est le projet Homer Multitext, qui précisément porte sur l'épopée homérique, a surtout travaillé en réalité sur l'Iliade, et vise à utiliser cet exemple très particulier de tradition antique pour voir ce que l'on peut faire avec des projets, avec des technologies numériques. En particulier, on retient ce projet-là pour deux choses, peut-être leur capacité à acquérir des images, c'est-à-dire à décider contre monnaie sonnante et trébuchante, par exemple la bibliothèque italienne de Venise, de numériser en très haute qualité, avec toutes sortes d'éclairages, des manuscrits qu'ensuite on peut exploiter. Mais aussi, à travers cette question de l'imagerie, la question du repérage sur une image, de l'annotation des images, ce qui suppose des standards. Et puis, la question de la référence, du mode de citation des textes, à travers un protocole de citation, le Canonical Text Service, qui prévoit finalement d'avoir des URI comme une URL dans votre barre de navigation qui vous permet de faire référence et de récupérer automatiquement avec le degré de granularité que vous voulez un texte antique. Et donc à partir de là, si on a une infrastructure qui existe, des textes ouverts en libre accès, le TLG lui est une infrastructure fermée et, sur abonnement, eh bien on a une possibilité de pointer, de citer et non pas de réinventer toutes ces données textuelles à l'échelle d'un projet à chaque fois. Donc ça, c'est le genre de projet qui fait beaucoup avancer ce milieu-là. Ce projet est porté en particulier au Center for Hellenic Studies, donc à Harvard, qui est historiquement très accueillant, effectivement, et a beaucoup de partenaires. Et puis le troisième projet que je mentionne, c'est le dernier, c'est le projet Synoikisis Digital Classics, qui est un projet qui se trouve être porté justement par les gens de Leipzig, qui concerne la pédagogie, qui concerne l'élaboration collaborative d'un cursus. Qu'est-ce que ce serait que enseigner des digital classics ? La première année que ce projet a existé, donc l'an dernier, ils ont choisi de partir d'un texte. Ils sont partis de Thucydide, d'un passage de Thucydide, du passage de l'introduction de la guerre du Péloponnèse, très connue, qui concerne une époque décisive de l'histoire grecque, et d'essayer de l'étudier de diverses manières dans les différents groupes pour que chacun puisse verser ses résultats à une analyse commune. Ce projet-là a vu aussi à quel point il était compliqué de faire travailler ensemble des gens qui travaillent à distance. C'est l'autre caractéristique de Synoikisis, c'est que les gens sont au Brésil, en Bulgarie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et par conséquent, ils ne travaillent pas à la même heure du jour et de la nuit, et doivent respecter des calendriers universitaires très différents aussi. Ils n'ont pas des vacances au même moment, tout simplement. Donc la deuxième itération, la deuxième organisation de ce projet, c'est cette année, et le master de Nanterre de Paris-Ouest en fait partie, et le choix est plutôt de se concentrer sur des outils, des technologies d'annotation, par exemple alignement de traduction. Ça arrive un peu tard dans leur programme pour qu'on l'utilise vraiment nous, mais ça en fait partie, ou bien les noms de lieux, justement, que faire de ces entités nommées quand on les encode et quand on les exploite, pour qu'il y ait une réflexion commune sur ce qu'il est bon d'intégrer dans nos cursus. Je crois que c'est assez symptomatique aussi de ce milieu-là, parce que, avant tout, ce sont des communautés et des gens dont toute la pratique se fonde sur un partage. C'est une caractéristique assez forte de ce milieu-là. Donc des chercheurs, des réseaux, des institutions. J'ai parlé de Digital Classicists. Vous avez aussi une Digital Classics Association depuis 2013, qui est largement active aux États-Unis. Ça a commencé là, et qui cherche à faire en sorte que ce champ soit représenté dans les grands colloques des historiens, des philologues, par exemple, proposer des séances, des panels dans ces colloques-là. En France, je termine par là, il y a des tentatives éparses. Le premier séminaire que j'avais organisé à l'EHESS à partir de 2010 portait sur les textes antiques, petit à petit, on a vu éclore des formations avec plutôt des unités d'enseignement plutôt que des formations proprement dites, et puis beaucoup de colloques, de séminaires, notamment à Lyon, je pense au projet Hyperdona en particulier, à Lille, dans d'autres villes. Et tout récemment, en septembre 2015, il y avait eu un colloque Digital Humanities et Antiquités à Grenoble, à la faveur de l'arrivée d'Elena Pierazzo à Grenoble, qui avait eu cette particularité de faire se rencontrer des chercheurs français, des étudiants français intéressés, déjà impliqués dans des projets ou non, et puis ce petit milieu des digital classics que je viens d'évoquer, c'était à peu près la moitié des participants, vraiment. Des gens qui, anglophones de naissance ou de culture universitaire, venaient à Grenoble et présentaient dans les mêmes sessions que des Français. Donc on a un début d'institutionnalisation, mais par le biais le plus intéressant, qui est celui du réseau, moins formel, fondé avant tout sur la recherche de standards, de projets communs, de lieux de rencontre. Donc ce réseau évoluera peut-être, se constituera davantage, c'est mon souhait, mais je pense que ce dont nous parlons aujourd'hui s'inscrit dans ce paysage-là. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? J'ai une remarque. Oui. Une interrogation. Je ne vous ai pas entendu citer la norme Dublin Core. D'accord. Donc, parce que vous avez cité d'autres normes. Alors, oui, j'ai pas tellement parlé. J'ai parlé de la question des normes, mais pas tellement de normes particulières. Alors, Dublin Core, par exemple, eh bien, je fais une réponse très, très, très pragmatique, qui est que quand on s'est posé la question de savoir comment on allait échanger des données entre nos deux formations, voilà. La solution a été pour nous de collecter les références des images qui nous semblaient intéressantes, par exemple, dans la plateforme Omeka, qui travaille avec les données Dublin Core, et donc ce que l'on peut fournir ensuite pour exploiter dans l'application ou sur le site qu'on prépare, ce sont des métadonnées de Dublin Core directement. D'accord. Donc voilà. Mais alors là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de spécificité du tout sur l'antiquité de Dublin Core. Voilà. En revanche, si on prend la TEI, la norme EPIDOC qui s'est développée précisément pour que ça fonctionne bien avec l'épigraphie, puis la papyrologie et plus généralement les textes antiques, est une norme qui a vu le jour dans cette communauté-là, directement. Donc parfois, ça arrive effectivement que ce soit la rencontre d'une culture disciplinaire de certains objets et de la technologie qui donne une évolution. Alors, dans ce cas, je vais céder la parole à Marianne. J'ai très brièvement présenté Marianne tout à l'heure, mais je pense que ce qui nous intéresse, c'est ton travail. Ouais, ouais. Voilà. Juste quelque chose juste avant, moi je suis l'exemple type du bidouillage justement, on parlait de rien tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai une formation classique, on ne peut plus classique, et je me suis rendu compte qu'il manquait des outils pour faire ce que j'avais à faire, et du coup je les ai fait moi-même, et voilà. Donc vous m'excuserez, c'est pas forcément de l'ingénierie informatique très poussée, mais en théorie ça marche. Alors, le projet que j'ai fait, pour mon projet de thèse, j'ai fait ce que j'ai appelé un peu pompeusement le projet Odysseus, qui est tout simplement une comparaison automatique de toutes les traductions de l'Odyssée d'Homère sur lesquelles j'ai pu mettre la main et que j'ai numérisé aussi moi-même, ce qui a pris un temps assez phénoménal déjà sur le temps de thèse. Alors, rapidement, parce que j'ai eu du mal justement à situer quel public j'avais à faire, donc vous m'excuserez si j'enfonce des portes ouvertes. Sur certains sujets. La traductologie, je ne sais pas si vous êtes familier avec la matière, c'est un principe assez simple. D'abord, c'est une étude historique, c'est-à-dire que vous allez voir quelles sont les manières de traduire à travers le temps et comment ces manières vont évoluer. Là, j'ai mis un exemple de Google Ngram, mais bien entendu, à prendre avec autant de pincettes que possible pour ce qui concerne Google Ngram, puisque c'est des données qui sont très peu triées, où vous pouvez voir, ici c'est un peu loin, désolé, mais l'évolution, par exemple, dans la source Google Ngram, de l'emploi du terme Minerve et de l'emploi du terme Athéna, qui, par exemple, pour l'Odyssée, est assez parlante, puisque vous allez avoir une progression vers une proximité avec le grec, on va dire, au fur et à mesure des années. Donc ici, gardons dans l'idée quand même que même si à Minerve, qui est nettement au-dessus, il faut surtout garder en tête la progression assez spectaculaire d'Athéna au fur et à mesure. Qui va, enfin, Minerve va être quasiment abandonnée dans les traductions ultérieures. Voilà. Alors, c'est aussi bien sûr un exercice d'analyse stylistique, la traductologie. Je vous donne un premier exemple ici, une des plus vieilles traductions G. La première date de 1584, je crois, il me semble. Et donc ici, Salomon de Certon, donc en 1604. C'est le début de l'Odyssée, hein, la partie la plus connue, hein, qui traduit de manière, enfin avec beaucoup de, comment dire, de style, on va dire, à sa manière, puisque c'est le terme qu'il emploie, en allongeant extrêmement le grec. En vis-à-vis, ça peut sembler un petit peu démagogique de ma part, mais j'ai mis une traduction de Philippe Jacoté, et vous voyez déjà d'emblée les grosses différences qu'il peut y avoir entre les deux. Vous avez ici déjà des premières différences qui sont d'ordre numérique, tout bêtement. C'est-à-dire vous avez 6 vers pour Certon, 4 vers pour Jacoté, 53 mots pour Certon contre 32 pour Jacoté. Donc vous voyez déjà que Jacoté est extrêmement concis, et je peux vous l'affirmer aussi beaucoup plus proche du grec, tant d'un point de vue du sens que d'un point de vue phonique. En fait. La traductologie, ça va consister à faire ça. En gros. C'est ce que fait un être humain de base, ça. L'avantage de l'étude numérique pour la traductologie, c'est que ça va permettre non seulement de faire ça, mais aussi de faire ça pour calculer toutes les traductions entre elles, en même temps, en fait. Pour faire des comparaisons numériques sur toutes les traductions en même temps. Ce qu'on ne peut pas faire quand on fait simplement un vis-à-vis comme ça, de comparaison de traduction. Alors, pourquoi faire ? Déjà, un point très simple. Là aussi, je vais enfoncer les portes ouvertes, je suis désolée. J'ai à peu près 207 traductions différentes. Donc, une centaine d'intégrales est différente. Je vous passe le nombre de milliers de mots, de millions de mots que ça peut représenter. Et surtout, j'ai fait un petit calcul bête, mais rien qu'à compter le nombre de mots à la main, il faudrait 95 ans, au moins. Donc, c'est difficile, globalement. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté de mettre au point un outil qui permet la comparaison automatique. L'avantage de cet outil, à mon avis, il y en a deux. C'est que, d'une part, on ne part pas de théorie a priori, c'est-à-dire qu'on ne part pas de théorie traductologique a priori, on ne part pas avec l'idée que là, on va trouver ça, on donne juste les textes et on voit un petit peu les phénomènes qui s'y trouvent, avec aussi, bien sûr, toutes les précautions qu'on peut prendre sur les outils numériques quand ils peuvent avoir des résultats faussés, il faut bien faire attention là-dessus, bien sûr. Mais surtout, enfin moi ce qui m'intéresse, c'est que les outils que je vais employer sont des outils qui sont très communs et qui sont susceptibles d'évoluer. Donc en théorie, c'est, on va dire, le fondement à un travail collaboratif. C'est-à-dire que tous les outils qui sont utilisés sont transformables, sont améliorables à chaque fois. Alors, là je m'excuse aussi si je fais des choses que vous connaissez déjà, comme je ne savais pas bien si je devais le faire ou pas, j'ai préféré le faire au cas où, au moins pour que je ne parle pas chinois. Alors, les phases de pré-processing, c'est-à-dire les phases de pré-traitement des textes, ce que je vais devoir faire. Alors, les outils de base. La segmentation, ça c'est la première phase. Moi, j'ai pris comme partie, pour la segmentation, de couper à chaque fois que j'ai un nom propre, les textes. Pour la simple raison que les noms propres, c'est ce qui est le plus traduit dans les différentes traductions. C'est-à-dire qu'il est très rare, par exemple, d'avoir un nom propre en grec et de ne pas l'avoir en français. On ne peut pas se fier à beaucoup d'autres étiquettes syntaxiques, alors que les noms propres, c'est des choses qui sont assez stables, en fait. Donc on peut avoir plus ou moins la garantie que ça va se retrouver dans la traduction. Et si ça ne se retrouve pas, j'ai des moyens, justement, pour faire en sorte que ça marche quand même. Je vous expliquerai après. Donc voilà comment je segmente. C'est un modèle très basique. Ensuite, une fois la segmentation faite, il y a la partie de la tokenisation. Normalement, enfin, je pense que tout le monde est familier avec le processus. Non, je pense pas. Non ? Ah, pardon, excusez-moi. Un petit peu. Alors, ça, c'est une phrase avant tokenisation. Vous voyez, vous avez juste votre ensemble tel qu'on le lit d'habitude. Après tokenisation, ça donne ça. C'est-à-dire que tout, c'est pas vraiment les mots, hein, ça peut être autre chose que des mots, justement, mais tous les éléments textuels sont considérés comme des noyaux, comme des sacs d'informations à part entière, en fait. La tokenisation, c'est ça. C'est dire que le mot « tout », ici, qui faisait partie d'un ensemble plus large, je vais l'utiliser comme un noyau particulier. En fait. C'est ça, la tokenisation. Mais ça peut être pas forcément des mots. Ça fait, généralement, la tokenisation se fait sur des mots ou à partir des espaces. Mais si vous prenez, par exemple, des langues comme le chinois, c'est pas possible. Parce qu'il y a pas, c'est pas segmenté sur des espaces ou des choses comme ça. C'est plus compliqué. Alors, deuxième phase, beaucoup plus compliquée que la tokenisation. La lématisation. Le problème, c'est beaucoup plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez ce qu'on appelle les difficultés de désambiguïsation, en fait. Et c'est vraiment très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs sur les lématisations. Oui, c'est parce qu'il faut faire une analyse sémantique. Oui, exactement. Ensuite, après une fois qu'on a tagué. Les... Ah oui, ouais. Oui. Non, mais c'est un autre exercice, quoi. C'est un autre exercice, et puis c'est pas du tout le même. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un lématiseur, c'est assez compliqué. C'est assez. J'ai lématisé un corpus en russe. En russe ? Ouais. Ah, mais je me garderai bien de me prononcer là-dessus. Mais je sais que, comme moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les différents lématiseurs que je vous listerai après, ouais. Qui sont disponibles. J'ai essayé, moi, d'en faire un, mais pour l'instant, c'est pas une réussite. Donc, j'utilise pour l'instant simplement ceux qui sont déjà là. Alors, donc ça, c'est votre phrase la même, tout à l'heure. Quand vous la lématisez, ça vous donne ça. C'est différent d'un raciniseur, un lématiseur. C'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir la racine du mot, mais le mot lui-même tel que vous le trouverez dans un dictionnaire. Une entrée, en fait, d'une certaine manière. Donc ici, au lieu de tout, vous avez tout. Ici, pour c'était, vous avez être, etc. Ça, c'est une phase qui est nécessaire parce que si, par exemple, dans une traduction, vous avez... il avait été particulièrement brave, et dans une autre, il sera particulièrement brave. Il faut qu'on puisse dire que avait été et sera, c'est la même chose. Donc si vous faites simplement par des analyses de n-gramme, de racines, ça ne marchera pas. Alors qu'avec un phénomène de lématisation, vous pouvez trouver que c'est le même verbe. Donc voilà, il y a deux types de lématiseurs. Il y a ceux qui sont avec des grammaires à état fini, qu'on dit des rule-based. Et il y a ceux qui sont statistiques, c'est-à-dire ceux qui, dont l'entraînement se fait uniquement sur des corpus. Ils ont chacun leurs problèmes. À mon avis, hein, c'est juste mon avis, mais celui basé sur les rule-based, c'est que c'est un peu basé sur les théories de Chomsky, hein, c'est-à-dire que c'est de la grammaire générative. Ça fonctionne bien, par exemple, pour des langues comme l'anglais, etc. Ça fonctionne beaucoup moins bien pour d'autres. Et statistique, ça dépend du corpus que vous avez, là encore, aussi. Si vous avez à vous entraîner sur un corpus, par exemple, où vous n'avez que des textes du 19e, 20e siècle, vous allez avoir très peu de chances de tomber juste pour la lématisation du 16e. Ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, enfin, les dernières étapes. L'étiquetage syntaxique léger. C'est ce qu'on appelle le post-tagging, en fait. C'est part of speech tagging. Donc ici, vous avez votre phrase. Et ça vous donne ceci. L'idée, c'est que vous allez avoir des étiquettes de nature pour l'ensemble des termes que vous allez employer. Donc ça, c'est assez simple, mais le processus est compliqué. Voilà. Et enfin, vous avez une dernière étape, mais je ne la fais pas ici, c'est l'étiquetage syntaxique lourd, qui est une formation de tribanque, etc. Je vais vous donner quelques outils si ça vous intéresse, mais je ne vais pas... Je ne m'en sers pas, moi, personnellement, parce qu'il y a trop d'erreurs. En fait. Alors, quelques outils, si jamais vous en avez besoin. Moi, ce dont je me sers, en tokenisation du français, Freeling, NLTK, OpenNLP, Stanford. Stanford, c'est... Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais globalement, enfin, moi, les meilleurs résultats que j'ai obtenus à chaque fois, c'était quand même globalement avec le Stanford Core NLP. Tritagger, bien sûr, qui est très connu, mais qui fait aussi beaucoup d'erreurs, mais qui est très connu et très employé, donc qui a cette vertu ben, de pouvoir s'appliquer à plein de monde, à plein d'API, et qui est d'ailleurs très utilisé dans beaucoup d'API. Hein. Je crois par exemple, le nom m'échappe, TXM, des choses comme ça, utilise Tritagger. Mallette utilise Tritagger, enfin, des choses comme ça. La lématisation, pour moi, celui avec lequel j'ai encore obtenu les meilleurs résultats, c'est Tritagger quand même. Post-tagging, le meilleur selon moi, c'est Stanford encore. Moi, j'utilise les trois en même temps. C'est-à-dire que quand il y en a deux qui sont d'accord, je prends la solution des deux. C'est un peu bidouillage, justement, comme solution. Mais ça me permet d'avoir des résultats assez justes, en fait. Et enfin, les tribanks, etc. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Celui avec lequel j'ai obtenu le meilleur résultat, pour ma part, c'était le mal parser. C'est le plus utilisé, il me semble, aussi. Voilà. Alors, pour en venir proprement à l'alignement, cette fois. Une fois que vous avez fait tout le pré-processing. La différence, ça va sembler très basique, hein, mais entre l'humain et la machine. Vous avez un humain. L'humain va commencer d'abord par faire la source 1 avec la cible 1. La source 1, pardon, toujours la même source, avec la cible 2, et ensuite voir la cible 1 et la cible 2. Éventuellement, si vous avez une capacité de raisonnement suffisamment poussée, vous arrivez à faire la réification de vos comparaisons et comparer les comparaisons entre elles. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Un ordinateur n'a pas ce problème-là. Un ordinateur peut réifier toutes ses comparaisons, c'est-à-dire d'abord comparer la source, par exemple ici, moi c'est la méthode que j'emploie, la source avec la cible, source, cible, source, cible, ou encore mieux, réifier les comparaisons qu'il effectue entre elles et comparer les comparaisons. En fait. Et ce, bien sûr, avec un nombre assez infini et sans se tromper. Ce qui est quand même un gros avantage. Alors, ma technique, pour ma part, qui peut être assez discutable, j'en conviens d'un point de vue épistémologique. Je prends un texte grec que je vais segmenter comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. À savoir que le texte grec, c'est là qu'est le problème, d'un point de vue épistémologique, c'est une conception maximaliste du texte grec, c'est-à-dire que je vais adopter en gros à peu près toutes les leçons dont je trouve une traduction, en signalant bien entendu que telle leçon ne correspond pas forcément à telle autre. C'est-à-dire que telle portion du texte grec n'est pas forcément référencée par tel autre auteur dans tel autre établissement du texte. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, pour l'instant. Donc si jamais vous avez des idées de ce point de vue-là, je suis ouverte à toute proposition. Mais pour l'instant, c'est l'idée que j'ai trouvée. L'idée, c'est que vous avez un texte grec qui est stable, en gros, avec une bonne segmentation bien fixe. Vous allez l'associer avec une segmentation identique chez un auteur, chez Dacier par exemple. Encore un autre, et encore un autre. Donc vous vous retrouvez à chaque fois avec des identifiants fixes, pour chaque auteur, avec un identifiant fixe en grec, à quoi il correspond. À savoir que moi je n'étudie pas le grec, je veux dire je vais simplement m'attacher aux traductions. Et enfin, une fois que vous avez ça, c'est très facile de comparer les segments entre eux. C'est comme ça que vous allez savoir que ce segment-là égale à ce segment-là égale à ce segment-là. Normalement, ça doit traduire la même chose. Donc, arrivé à cette phase-là, il y a plusieurs sortes d'alignements, hein, comme vous le verrez. Il y a l'alignement biséquentiel ou l'alignement multiséquentiel. Pour l'instant, j'ai fait l'alignement biséquentiel, mais j'aimerais bien, mais plus tard, quand j'aurai le temps, adapter les alignements multiséquentiels. Enfin, je vais passer sur le sujet, c'est un peu compliqué. Les phénomènes d'alignement, tout ce qui est alignement quand on aligne des textes, c'est-à-dire qu'on va dire que telle portion de texte équivaut à telle autre, c'est ça l'alignement, c'est tout simplement ça. À la base, c'est fondé sur des algorithmes de bioinformatique, c'est-à-dire d'alignement de l'ADN ou d'acides aminés, il me semble. Donc ça servait aux généticiens tout simplement, d'une part pour dire que telle séquence ADN correspondait à telle autre, mais non seulement ça permet ça, mais ça permet surtout de prévoir les conséquences des séquences ADN futures, en fait. Donc de faire des estimations probables. Donc là, vous arrivez au sac de séquences. Vous allez avoir ce que j'appelle une SIM score. C'est tout simplement, c'est tous les facteurs qui vont faire que je vais dire à mon alignement que telle portion est susceptible de ressembler plus à telle ou telle autre. Alors dedans, il y a plein de choses, je ne les ai pas toutes mises, mais par exemple, j'ai fait un dictionnaire de noms propres avec un système, ce qu'on appelle de fuzzy match. Le feu d'image, c'est très facile. C'est que quand vous avez, par exemple, un nom qui dit Athénaé, dans une langue, par exemple, et qu'il rencontre dans un autre texte Athéna, il va pouvoir dire, grâce au feu d'image, que ce texte, ce terme-là, est similaire à l'autre. Vous avez des tonnes d'algorithmes de ce type, qui sont par exemple les distances de Lebenstein, des choses comme ça, qui font que en fait, vous pouvez associer des mots qui sont très proches l'un de l'autre. Tout bêtement. Donc ça, c'est un des exemples de ce qui va modifier ma SimScore. Il y en a plein d'autres, je ne rentre pas dans les détails. Une fois que vous avez votre SimScore, vous allez remplir, ici, un tableau de score. C'est-à-dire que pour chaque séquence que vous avez, quand elle rencontre telle autre séquence, on va vérifier son score de similarité avec la séquence opposée. Ici, vous avez la séquence H. Je veux voir, par exemple, quelle est la similarité qu'elle a avec l'autre séquence H. Si c'est la même, à ce moment-là, le score va être haut. Si ce n'est pas du tout la même, elle va avoir un score très bas, tout bêtement. Le principe ici de l'algorithme d'alignement, qui est un algorithme d'alignement global, ici, et biséquentiel, je l'ai pris, c'est un algorithme qui est assez classique en bioinformatique. Je l'ai pris à Needleman-Wunsch, enfin, Needleman et Wunsch, en fait, plus exactement. C'est un algorithme des années 70 et qui permet tout simplement d'aligner globalement des séquences ADN, enfin des séquences d'acides aminés en l'occurrence. Pour lui, c'est des acides aminés. L'idée, c'est que vous avez votre matrice de score et l'algorithme va calculer le chemin optimal pour partir d'en bas à droite pour remonter jusqu'en haut à gauche. Une fois que vous avez fait ça, ça, c'est la première période d'alignement. Deuxième période, et ça, c'est quelque chose aussi qui est très pratiqué, mais qui n'a pas été pratiqué en traductologie, ni même pour l'alignement, jusqu'ici. Et c'est un peu dommage, parce que ça peut être très utile. C'est ce que j'appelle la vectorisation. L'idée de la vectorisation, c'est que chaque mot n'est pas simplement défini comme étant un ensemble de caractères, mais est défini par ce qui fait son contexte. C'est-à-dire que chaque mot est défini par ce qui l'entoure. Donc, prenons par exemple ces séquences ici. Moussa polytropon osmala polla plate et paye, donc muse, il faut dire celui-ci, etc., qui t'enterra. Donc là, je vous ai mis plusieurs séquences de ce type. Il faut essayer, à partir du moment où j'ai ces alignements, c'est-à-dire qu'ils sont déjà faits, je vais repasser encore une fois l'alignement, mais cette fois en gardant en tête les scores que je vais traduire avec les vecteurs. Je vous explique, c'est un peu enfin, vous me dites si je parle chinois, hein. C'est pas forcément simple. Une fois que j'ai un alignement, j'ai un premier alignement. Ici, j'ai en source Odysseus et en cible Ulysse. Ici, je vais avoir en source Cuclops. Ici, je vais avoir en cible Cyclope. Ici, en source Odysseus encore. Et ici, en cible, Ulysse. Je vais lui demander de me trouver, en faisant des sacs de sources cibles, comme ça, en les associant, de me donner les vecteurs de certains mots. Par exemple, ici, si je veux trouver le vecteur d'Odysseus, qui normalement est lématisé, hein, vous allez avoir ce premier sac de mots. Ici, je vois qu'Odysseus y est, donc je mets valeur 1. Deuxième sac de mots, je vois qu'Odysseus n'y est pas, donc je mets valeur 0. Troisième sac de mots, je vois qu'Odysseus y est, donc je mets valeur 1. Je veux ensuite voir le vecteur de Cuclops, ici. Premier sac de mots, il n'y est pas. Deuxième sac de mots, il y est, donc je mets un 1. Troisième sac de mots, il n'y est pas, je mets un 0. Quand je fais ce calcul-là, je le fais non seulement sur les noms propres, mais sur tout l'enfin, sur l'ensemble des mots. Je vais me retrouver avec des vecteurs qui ont une longueur phénoménale et qui normalement me disent que Odysseus et Ulysse apparaissent ont le même vecteur, sont entourés des mêmes mots, on va dire, d'une certaine manière. Ils fonctionnent dans le même cas. Alors, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, ici, ça se voit pas forcément sur cet exemple, mais ça fait, par exemple, que vous pouvez avoir Zeus fit tomber la foudre, et dans une autre traduction, associé, l'étincelant fils du ciel fit tomber la foudre. Ça peut vous permettre de trouver que étincelant fils du ciel et Zeus, c'est la même chose, tout bêtement, parce qu'ils sont employés pareil. Voilà. Et donc ça vous permet d'améliorer encore une fois votre score d'alignement, en fait. Ça vous permet de trouver les équivalents de Zeus-Jupiter, par exemple. Ça vous permet de trouver Athéna Minerve. Aussi bêtement que ça. Alors, après on parlait de questions de visualisation. Là encore, c'est un problème, c'est que la visualisation, j'ai dû la faire moi-même. Et que, donc j'ai fait plein d'outils, mais ça mériterait, à mon avis, un travail collaboratif plus important. Avec quel outil vous avez fait la... En Java. D'accord. En Java, en fait. J'ai tout fait en Java ou en Python. Ça dépend. D'accord. Vous n'avez pas utilisé Python ? Non, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien. Ouais, je comprends. J'aimerais bien. Mais justement, c'est un peu mon problème, c'est que c'est du bidouillage et que comme je me suis formée toute seule, ça a été un peu compliqué. J'ai pas eu le temps encore pour elle. Mais j'aimerais bien. Alors ça, c'est un des premiers outils que j'ai fait. C'était en Python d'ailleurs, ça, justement. Ça vous permet immédiatement de visualiser quels sont les champs les plus traduits et à quelle époque, tout bêtement. C'est très simple, hein, mais ça vous permet de voir, par exemple, qu'il y a des champs qui intéressent beaucoup plus des auteurs que d'autres quand ils traduisent pas de manière intégrale. Et il faut savoir pourquoi, et quels sont ces champs, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc. Ça vous permet de visualiser ça. Vous avez aussi, bien sûr, un dictionnaire automatique, qui est à la fois l'association donc, des noms qui sont trouvés par feuille d'image, et aussi le dictionnaire des vectorisations. En fait. Donc ça vous permet de voir, par exemple, je sais pas moi, Oma, que par exemple ça se retrouve en français, mais que ça se retrouvera pas en italien, pour les yeux, des choses comme ça. J'ai fait des tests, justement, l'avantage de la vectorisation et de ce type d'alignement, c'est que c'est indépendant de la langue. Donc c'est quand même assez pratique. Ça vous permet de faire des comparaisons entre les langues, même entre les différentes traductions. Un exemple de la visualisation que j'ai, normalement, ben là vous verrez pas grand-chose, mais normalement sur un écran, c'est ça. C'est-à-dire que, bon là j'avais pas fait avec beaucoup de textes, donc il y a beaucoup de rouge, mais j'avais pas fait avec beaucoup de textes, j'ai dû faire une quinzaine de textes. Vous voyez par exemple en vert, c'est les mots qui sont employés par tous les traducteurs, en orange ceux qui sont fréquents, en italique bleu c'est quand par exemple la syntaxe est la même en grec et en français, enfin plein de choses comme ça. Et vous pouvez faire scroller comme ça tous les textes que vous voulez et les déplacer entre eux. En fait, si vous voulez comparer par exemple plus un texte là, vous pouvez le mettre là, etc., etc. Et vous pouvez voir une infinité de textes. Un zoom par exemple sur une fenêtre. Ici, vous pouvez voir immédiatement, parce qu'il y a des trous dans l'alignement, qu'il y a des passages que l'auteur ne traduit tout simplement pas, en fait. Et c'est juste. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est juste, il ne traduit pas, tout bêtement. Alors après, il faut voir pourquoi, dans quel mouvement il s'inscrit, etc. Un petit exemple, ici. Je ne sais pas si ça va très bien ressortir, du coup, là, même. J'ai mis les légendes que j'avais employées à ce moment-là. C'était une comparaison donc, entre la Valterie et Malipiero. La Valterie, c'est quelqu'un qui a la particularité d'avoir publié une Odyssée en disant « Je ne connais pas bien le grec, alors plutôt que de traduire du grec, je vais traduire depuis le latin. En » fait. Et ça se voit très vite, parce qu'effectivement, les Apax, c'est l'endroit où il est le seul à employer ce terme-là dans la séquence par rapport à tous les autres auteurs. Mmh. Donc ça vous montre très bien, en fait, généralement, qu'il n'a pas très bien compris le texte, en fait, ou alors qu'il traduit un texte tellement loin qu'il n'a pas du tout le même texte que les autres, en gros. J'avais un professeur qui disait, de toute façon, c'est pas grave, traduisez, on n'a pas le même texte, mais c'est pas grave. Bah, c'est un peu la même chose, c'est tout simplement qu'il dit traduire l'Odyssée, mais il ne traduit pas l'Odyssée, en gros. Et il se fait un peu la même chose, ici, chez Malipiero, mais beaucoup moins, déjà, quand même. Et en comparaison, une traduction beaucoup plus tardive, et qui est, enfin... Si, enfin, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais celle de Lecomte de Lisle, c'est une des plus belles, selon moi, qui existe. Où vous avez, par contre, une très forte proximité avec le grec. Vous pouvez aussi repérer des endroits où ce sont les mêmes termes qui sont employés par beaucoup d'auteurs, à tels endroits. Donc ici, épouse, tendre vierge, c'est assez amusant à voir. Et vous pouvez voir aussi, par exemple, que Lecomte de Lisle est spécifique parce qu'il... Il a souvent, en jaune, en début de séquence, donc, des apax. C'est-à-dire qu'il est le seul à traduire de telle manière, tel nom propre. Tout simplement parce que le Comte de Lisle dit qu'il veut garder non seulement le grec, c'est-à-dire le sens du grec, mais la sonorité du grec. Donc il va faire un effet mimétique, on va dire, phonique, du grec. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, si jamais... Vous avez des questions, voilà. Si vous voulez une fois dans votre vie écrire à l'adresse Odysseus Polymétis 2010, c'est l'occasion aussi. Merci beaucoup, Marianne. Voilà. Ça pose énormément de questions. Hein. En un sens, tu as eu l'élégance de ne pas souligner tous les moments où on pourrait poser des questions abyssales. Non, mais je pense que. Allez-y, on n'a pas de. C'est passionnant. Quelles sont vos premières réactions? Pour la technicité de la chose, je crois que tu as assez bien expliqué l'enjeu, mais tokenisation, etc., ça repose sur la notion linguistique, tout simplement, la différence entre type et token, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on a affaire à une occurrence d'un mot qui, dans un dictionnaire, serait, dans un index, serait une entrée, et à quel moment est-ce qu'on peut compter, quand il apparaît, ce qui a un enjeu sémantique direct, évidemment, est-ce qu'on peut regrouper toutes les occurrences du verbe être ou pas. Et pour les langues anciennes, qui sont des langues à flexion, ça pose des problèmes particuliers, bien sûr. Ça a été une des limites de l'application des outils linguistiques automatiques aux langues anciennes, et on n'en est pas tout à fait sorti, parce que même si maintenant, Perseus, par exemple, avec Morpheus, ils ont fait open, pour l'analyse morphologique, maintenant ils sont au-delà, et ils insistent beaucoup sur le tree tagging, même s'ils ils ont beaucoup développé ça, ça a mis... quand la première version de Morpheus a pu sortir, mais il a fallu 15 ou 20 ans pour que le TLG intègre des outils. Et puis ils font beaucoup de corrections à la main aussi derrière. Voilà. Donc au total, tout ça n'est pas encore très fiable et peut intégrer même à nos bases de données. Si le ticket est pas mal pour le coup. Hein. Oui. Ouais. Voilà, c'est, alors, c'est le toolkit pour Natural Language Processing, donc le traitement automatique des langues. Et il y a une bibliothèque Python qui est tout à fait classique, celle-là, et il y a des gens qui en ont fait une version pour les langues anciennes qui ne s'appelle pas NLTK mais CLTK, j'avais mentionné ça une fois, où ils ont commencé à vous donner des... Alors il faut savoir faire tourner tout ça tout seul quand même, mais eux, ils travaillent à ces projets-là et ils donnent complètement de façon libre un lemmatiseur, de l'analyse de la métrique par exemple, quand on travaille directement sur les textes anciens, pas sur les traductions, mais ça pourrait être intéressant aussi pour avoir des considérations métriques. Ouais, complètement. Ça, bien sûr. Donc tous ces outils-là commencent à se diffuser, c'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est vraiment une phase d'élaboration, et il y a des gens qui se réunissent pour évaluer tous ces outils aussi, toutes tes listes. Des gens qui se mettent ensemble pendant 48 heures dans une salle, qui font tout tourner pour pouvoir dire, avec des concours sur le corpus par exemple, que tel lématiseur est plus performant que tel autre. Donc pour les langues anciennes, c'est quelque chose qui commence tout juste, mais c'est comme ça aussi que ça s'améliore. À la fois avec des projets comme le tien, et puis avec du travail technique tout à fait comparable à ce qui se fait dans n'importe quel domaine. Là, le gros handicap de ce projet-là, justement, c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis, c'est que c'est un projet que j'ai mené toute seule. Ouais. Donc ça manque de perspective. C'est un problème. Je veux dire, je me permets de réagir à ça parce qu'on est un peu isolé quand on s'embarque dans ces types de projets, qu'on veut. On bricole avec R, enfin moi avec R, toi, enfin vous avec Java et Python, ouais, voilà. Donc moi il y a beaucoup de choses que je retrouve, je ne travaille pas sur des textes anciens, mais il y a beaucoup de choses que je trouve ça passionnant. Et j'avais une question en fait, pourquoi pas de racinisation? Peut-être que c'est parce que c'est le grec, c'est peut-être pas pertinent. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait après je fais des comptages en fait sur les mots, sur le nombre de mots qui apparaissent, etc. Et en fait, la racinisation ne va pas marcher pour bien des cas, par exemple, pour le français lui-même, en fait. Voilà. Il y a plein de choses, ça ne va pas marcher. Donc la lématisation suffit, en fait, non? Ah bah la lématisation, bah, c'est même... c'est au-delà de la racinisation. Non, c'est fondamental, mais pour... parce qu'en fait, mon problème, c'est de pouvoir faire recourir à la racinisation pour faire un peu d'analyse sémantique, pour contextualiser, en fait. Parce que j'ai pas utilisé... La question de vectorisation, je la découvre, en fait. Mais ça n'a pas été pratiqué jusque-là, c'est pour ça que j'étais un peu étonnée, mais ma foi, ça marche. Ouais, bon, bah, c'est une bonne... C'est réintroduire la notion de réseau, finalement. Tout simplement. C'est des réseaux sémantiques. Voilà, sauf que c'est fait à partir, non pas de fenêtres mouvantes, comme on les voit traditionnellement dans la sémantique distributionnelle, mais sur des fenêtres de préalignement, en fait. C'est ça, la différence. C'est que c'est des fenêtres beaucoup plus sûres, en fait. Peut-être intervenir pour déjà féliciter Marianne et dire combien son travail est remarquable et impressionnant. Moi, j'avais une question sur le sens. Qu'est-ce qu'on apprend, finalement, de la vision diachronique des traductions, quand, justement, on les met en parallèle avec ça? Vous le saurez en septembre, justement, quand j'aurai finalement rendu le manuscrit. Donc, plein de choses, mais je pourrais pas, enfin comment dire, Si jamais ça vous intéresse, si ça en intéresse d'autres, j'ai fait pas mal de pré-publication de certains résultats. Si ça vous... ce serait bien volontiers. Moi, j'en parlerai pendant des heures. Hein, donc, c'est vrai que... Mais je veux pas non plus submerger... Et la question, pas forcément des résultats, mais qu'on peut se poser, c'est celle du lien avec la traductologie, finalement. Parce que tu as pris ce terme, tu es parti de là, c'est un champ. Un champ qui a des rapports avec la littérature comparée, qui a des rapports avec toutes les disciplines littéraires, qui s'est développée, qui a ses postes, qui a ses techniques. Dans quelle mesure est-ce que ça peut vraiment être un dialogue avec la traductologie? C'est-à-dire, est-ce que les grandes références intellectuelles, les grands livres de la traductologie, qui travaillent sur des notions, qui assez rarement vont au niveau de l'opérationnalisation, du détail, de la technique, pour garantir des interprétations, peuvent bénéficier de ça ou être intégrés à ton projet? Par exemple, c'est tout le projet, tout le problème quand on utilise les technologies. Tu nous dis, bon, alors il faut faire un pré-traitement et on prend les postes, etc. Mais on intègre les parts of speech qu'on a. Et si on considère que le français ne fonctionne pas comme ça et qu'il ne faudrait pas utiliser cette structure, par exemple, tout à fait. On n'a pas d'outils. Donc on fait le choix. Si tout on veut fait. L'utiliser, on passe, non pas par les fourches codines, mais par un cadre intellectuel dont il faut être conscient pour le mesurer. Donc dans quelle mesure est-ce que Méchonique a un rapport avec ton projet, tu vois? C'est une très bonne question. En fait, c'était un projet ad hoc, c'est-à-dire que j'ai moi-même lu en fait beaucoup d'ouvrages de traductologie, et je me suis dit que beaucoup des théories qui étaient échafaudées à ce moment-là étaient basées sur des approximations intellectuelles, on va dire. C'est-à-dire des constats que les différents traductologues ont faits, mais qui n'étaient pas fondés numériquement, en fait, et qu'on ne pouvait pas vérifier d'un point de vue massif. Donc je me suis dit que c'était une des manières d'essayer de vérifier, ou d'invalider d'ailleurs, du coup, ce qui pouvait être dit, avec toutes les précautions que cela comporte, bien entendu, pour le coup. Ça, j'en suis bien consciente. Mais il me semble que la volonté était là, en fait. C'était d'essayer de voir si les théories qui étaient déjà là, notamment, il y a eu un très gros volume là, qui sont sortis, donc avec Jean-Yves Masson, Jean-Yves Chevrel, et ça, sur la traductologie à travers les âges, qui est un truc magnifique. Ben, ça m'intéressait de voir si on pouvait appliquer numériquement les théories qui étaient échappées à ce moment-là, et en voyant si ça se vérifiait d'un point de vue tout simplement statistique, en fait. C'était l'idée. Parce qu'on n'en est pas à cette étape de maturité de ce genre d'études, mais ce que je trouverais formidable, c'est de faire ce qu'on avait évoqué avec Elena Pialazzo pour la première séance en décembre. Elle vient de publier un livre qui s'appelle « Digital Scholarly Editing ». Et à l'intérieur, il y a un schéma de ce que c'est qu'une édition pour elle. Et c'est un schéma d'ingénieur, un diagramme UML avec les entités qui se correspondent, le texte est le produit d'une entité qui s'appelle auteur. L'auteur est en relation avec une personne historique, mais est aussi une figure dans le texte. Donc on peut aller à un très haut degré de complexité. Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, ce schéma, il résulte d'une théorie, en même temps. Bien sûr. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des moyens automatiques d'appréhender le fait que des éditions différentes correspondent à des schémas de compréhension différents de ce qu'est l'œuvre. Oui, et de même, pour les traductions, une des questions qui se pose, c'est à quelles sources ils avaient accès, par exemple, oui, on peut détecter des choses comme ça. Tout à fait. Dans quelle mesure est-ce que ces traductions de l'Odyssée, si le corpus devient encore plus large, se correspondent langue à langue? Tu as parlé de la dimension interlinguistique. Oui. Dans quelle mesure est-ce qu'elles sont en rapport avec l'état de langue de l'époque? Ah oui, où elles bien sont sûr. Produites, par exemple. Tout à fait. C'est des perspectives qu'il faut prendre en compte. En fait, comment dire? J'y ai pensé, mais j'ai pas eu le temps. Mais tout à fait, c'est une perspective. Enfin, je suis obligée, moi, de le faire d'une certaine manière, mais sans le faire numériquement à partir de ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où je dois mettre en perspective les résultats que j'obtiens et les mettre en perspective par rapport à une histoire de la traduction beaucoup plus globale, là, je n'ai pas encore d'outils qui fonctionnent pour ça. Et j'ai l'impression d'y arriver, de commenter tes propres résultats d'une manière qui te satisfait J'espère. Je peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il y a des choses, oui, qui se voient de cette manière et qui peuvent pas se voir autrement, en fait. Donc je sais pas si j'espère. C'est une tentative, hein. C'est une thèse, quoi. C'est un outil que tu veux mettre ensuite à disposition Normalement, oui. Oui, bien sûr. Pour l'instant, le code est un peu moche, mais Quoique, j'ai bien amélioré quand même le... Mais il est en fait, il sera bientôt mis en ligne sur GitHub normalement. Mm-hmm. Donc, j'ai déjà un repository mais qui est pas public pour l'instant parce qu'il est trop sale. Donc une fois que ce sera à peu près propre, oui, je pense oui. Et en libre accès. Hein, donc, voilà. Il faut savoir aussi que ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est les numérisations. Ça m'a pris énormément de temps. Parce que tu as beaucoup numérisé toi-même ? Oui. Et je remercie Google Books à cette réhaussérisée aussi. Hein. Ben oui, du coup, par avis. Tu as réhaussérisé toi-même Ben oui. Pour un meilleur résultat que ce que tu avais Non, généralement, ceux que j'ai haussérisés, je ne suis pas maso. Hein. Je veux dire, c'est ceux que je n'ai pas trouvés. Non. Forcément, des fois, d'ailleurs, dans mes textes, il y a des coquilles. Mais l'avantage du Fudimage, des trucs comme ça, c'est justement les coquilles, c'est pas grave. ça analyse quand même comme étant des identités. Ça ne force pas les données. Tu as une idée de la proportion de variation dans les traductions ? Parce que tu essaies de voir une évolution, mais quel est le degré de variation ? Ah oui, je pensais, en fait, quand je m'étais posé cette question, je pensais au texte grec. Alors, ce n'est pas le centre de ton travail, oui. Mais tu as dit... Dites-moi si ça vous semble bizarre, je prends toutes les leçons que je trouve n'importe où, oui. Je les mets ensemble pour pouvoir en tenir compte. L'hypothèse, c'est qu'un traducteur a pu avoir à tenir compte d'une leçon et que oui. Si tu ne l'as pas dans ta base au départ, oui. Tu n'arriveras pas à dire à oui, ça correspond. Exactement. Tu n'arriveras pas à l'aligner. Tout à d'accord. Fait. Mais ton outil, de la même manière, il permettrait de commencer à avoir une évaluation quantitative aussi oui. Des éditions. Ah oui, tout à fait. Et par exemple, on ça on permet pas... de voir qui a telle leçon ou pas. Voilà, oui, mais tout simplement. Par rapport à d'autres champs, on sait bien que sur un grand nombre de textes latins et grecs, alors typiquement l'Iliade ou l'Odyssée, nous avons déjà beaucoup d'éditions, et dans toutes les langues savantes, et produits par des gens qui travaillent dans toutes les langues savantes européennes, je veux dire. Parfois, on nous dit, mais enfin, il y a des textes transcrits immortels, impérissables, qui sont en train de pourrir dans des bibliothèques, pourquoi est-ce qu'on paye quelqu'un des milliers de dollars au fil de sa carrière pour refaire une 36e édition de l'Iliade ? Ce serait très intéressant d'avoir des réponses quantitatives pour voir ce qui change, pouvoir évaluer quelle est la proportion de modifications orthographiques, de modifications qu'on considère sémantiques, dans quelle mesure est-ce que c'est reflété dans les apparats, etc. Ce sont des données qui me manquent, je trouve, et bah, c'est en renversant ce que tu dis. Si les gens qui mènent leurs études maintenant ou préparent des éditions mettaient à disposition leurs données, on pourrait commencer à voir ça, tout simplement. Et justement, c'était cette question-là qui m'avait amené à penser à, enfin, c'est une digression, mais à l'alignement multiséquentiel qui permettrait d'avoir des résultats, à mon avis, un peu plus. Plus d'un mot, faut que tu me dises un peu plus, parce que le biséquentiel et le multiséquentiel. Ah bah, en fait, à la limite, je montrerai peut-être après, parce que c'est un peu compliqué, mais. J'ai écrit tout ça dans. D'accord. Dans l'ordi, quelque part. D'accord. Ce sera plus simple, parce que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions directement sur ce travail-là ? J'ai une question qui est un peu en direct sur. Vous avez dit que vous étiez formé complètement aux outils Java, Python. Oui. Et je me demandais si ça avait, dans le processus de recherche, pendant les questionnements que vous êtes. Qui se sont posés à vous, dans quelle mesure la formation aux outils s'était articulée à votre processus de recherche ? Est-ce que l'un avait. Enfin, est-ce que la formation aux outils, en gros, vous avez influencé des choses que vous avez découvertes, qui vous ont aidé à faire des. Ah, c'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée, je veux dire. Parce que je me demandais aussi, juste, en vous écoutant, je me suis demandé quelles étaient vos disciplines d'origine. Moi, je suis lettres classiques. D'accord. Basique, en lettres normales. Et en fait, non, j'avais commencé. Mais tu faisais des sites web adolescents. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ça où tu avais beaucoup d'amis physiciens et tu as fait du latex dans ton berceau. C'est ça, exactement, c'est à peu près ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'avais. J'avais commencé à m'intéresser à l'informatique assez tôt. Et surtout, en fait, au fur et à mesure, c'est plus la problématique inverse qui s'est posée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient. Par exemple, quand j'ai passé l'agrégation plein de fois, je me suis dit, mais ça, si on avait tel outil ou quoi, ce serait tellement plus facile, ce serait du travail bien plus mâché pour plein de choses. Et je me suis dit, ça n'existe pas. Bon, je vais essayer de le faire moi-même, en fait. Quoi. Donc, généralement, j'ai fait des outils ad hoc. pour plein d'occasions. J'ai fait un jeu de loi, par exemple, pour des collégiens. Enfin, plein de choses de genre. C'est plus qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que je peux faire. D'accord, ça t'a fait émerger de nouveaux questionnements, réorienter des... Peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte, mais instinctivement, là, tout de suite, consciemment, je ne sais pas. D'accord. À part que j'ai un esprit très... que l'informatique et la traduction, c'est un peu la même chose, d'une certaine manière. C'est un peu le même processus, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on regarde un texte, on ne comprend pas, et puis tout d'un coup, on perçoit une logique et ça sort. Moi, personnellement, ça m'a toujours fait ça quand je traduisais. Donc, Alors, je propose que tu réagisses à la suite, mais que ce soit la suite maintenant qu'ils ont au centre, à savoir le projet sur le lycée. Donc tu le projettes à partir d'un projet de tissu. Avec cette prise-là, c'est même pas tatoué en fait. Oui, c'est qui franchement. Oui, vas-y, comme ça. Comme vous voulez, hein. Et sinon, je mets le mien. Facile, je peux le mettre devant là. Si, gauche, c'est ça. Ouais. Je me mets là, mais je vais me mettre devant l'écran. Ce ne sera pas très commode. Passer les slides. Je vais prendre quelques minutes pour présenter d'abord les partenaires du projet et la problématique et notre méthode de travail. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Arnaud Laborderie. Je travaille à la BNF. Je suis chef de projet aux éditions multimédia. J'ai travaillé notamment sur l'application Candide, un livre enrichi que peut-être vous connaissez. Actuellement, je travaille sur un projet d'éditorialisation de Gallica qui s'appelle Les Essentiels de la littérature et qui est en ligne, vous pouvez consulter le 18e siècle. Je suis aussi enseignant-chercheur à Paris 8, et je conduis pour la BNF un programme de recherche, de modélisation des collections numériques, et le projet sur lequel nous travaillons s'inscrit dans le cadre de ce programme de recherche, qui vient de démarrer, qui est un programme sur 4 ans, et dont l'objectif est de proposer des usages grand public, de modéliser des expériences de lecture sur les collections numériques en dehors de Gallica, et d'ouvrir de cette manière des usages grand public. Donc l'approche est différente de celle de Data BNF ou de celle des humanités numériques dans leur approche plus statistique. En fait, ces projets s'inscrivent dans les axes stratégiques de la BNF, puisque nous voulons finalement favoriser ces usages des collections numériques. Et donc, nous allons labelliser un certain nombre de projets Studio de Gallica, et donc avec cette dimension expérimentale. Et donc, certains projets qui sont conduits par les Gallicanautes seront labellisés avec cette étiquette. Et donc moi, je vous invite aussi à nous faire remonter les initiatives que vous pourriez vous-même engager ou dont vous seriez informé sur cet usage, cette appropriation des collections, qui peuvent être des usages savants, mais qui peuvent être aussi des usages pédagogiques à destination des écoles ou même de loisirs, de divertissement. Il y a vraiment volonté de favoriser l'appropriation des collections. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai proposé à Aurélien de travailler en collaboration avec nos masters sur l'édition une édition augmentée de l'Odyssée. Notre objectif étant d'articuler nos deux approches, une approche qui est plus orientée humanité numérique et codage des corpus et interopérabilité des données, et puis notre approche à nous qui est plus centrée sur les interfaces et sur l'expérience utilisateur, j'y reviendrai. Donc d'abord, peut-être sur les partenaires. Donc la BNF, j'en ai parlé. IDIFI Créatique, en fait, c'est la structure dans laquelle nous sommes. C'est un investissement d'avenir. L'IDIFI, c'est initiative d'excellence en formation innovante. L'objectif, en fait, de ce programme, c'est de faire de la pédagogie par projet et donc d'articuler recherche et formation dans le cadre d'ateliers laboratoires. J'en reparlerai tout à l'heure. Peut-être dire aussi un mot de la chaire ITEN qui est hébergée ici à la FMSH et dont l'expertise est sur les interfaces, les nouvelles modalités de médiation et de transmission par le numérique. Et avec la chaire, nous allons mettre en place un protocole d'expérimentation au terme de ce projet pour pouvoir, un protocole d'évaluation pour avoir un retour utilisateur sur les différentes les hypothèses de travail sur lesquelles nous allons. Et puis l'Institut français d'Athènes qui sera l'objet d'une restitution du projet. Parmi les partenaires universitaires, donc le master création édition numérique de Paris 8, le master d'Aurélien Béra, humanité classique et humanité numérique, et puis l'Université d'Athènes, nous avons une troisième expérimentation qui est en cours sur l'Odyssée, que nous allons mener, là on part dans 15 jours à Athènes, avec le laboratoire New Tech de l'Université d'Athènes. Alors peut-être dire un mot sur ce laboratoire. C'est un laboratoire de nouvelles technologies. Nous partons à Athènes, nous avons Charles avec nous, Charles Delattre. Nous avons le directeur du master qui est avec nous. Ce qui est la preuve d'une chose intéressante, c'est que le master s'intéresse à ce qui se passe dans le master. Ça n'est pas évident dans tous les cas. Très bien, bien écoutez, moi je suis ravi que vous soyez là puisque on aimerait bien poursuivre ce type de collaboration avec Aurélien et justement articuler les deux approches qui sont les nôtres pour concevoir des prototypes. Et donc oui, un mot sur le laboratoire Nouvelles Technologies dans la communication, l'éducation et les médias de l'Université d'Athènes. Qui couvre un champ très large d'applications sur les nouvelles technologies dans la communication, l'éducation et les médias. Et donc, avec eux, on va faire une expérience de storytelling où on va essayer de transposer l'Odyssée dans le monde contemporain. Oui, absolument. C'est le professeur Mémaris qui dirige ce laboratoire. C'est un laboratoire d'une trentaine de chercheurs. Il y a des programmes de recherche, il y a des applications. Ils créent des logiciels éducatifs, par exemple. Nos objectifs pédagogiques, je vais avancer. Donc, interroger les nouvelles formes et les nouveaux usages du livre, définir le livre augmenté sur le plan théorique expérimental, c'est-à-dire avoir une approche pragmatique, penser des parcours de lecture qui permettent de construire du sens et de la connaissance, structurer les contenus, mettre en place une ontologie, encoder un corpus en TU, organiser les métadonnées, ça c'est tout à fait l'axe d'Aurélien. Pour nous, c'est davantage concevoir une interface de médiation et construire un discours multimodal, l'évaluer par un protocole scientifique, et puis transposer, donc dernière étape de notre projet, l'Odyssée dans le monde contemporain. Alors, exposer la problématique en quelques mots de notre point de vue, qui est celle de l'édition numérique augmentée, et donc pour moi, celle du livre numérique et de ses relations avec la bibliothèque numérique. Je vais partir de Pierre Mounier. Voilà, c'est un des fondateurs de ce séminaire que j'ai moi-même suivi depuis 2009 et qui m'a aidé à penser ces questions-là. Pierre, en fait, dans la conclusion de Read Write Book, explique que les objets numériques, ils ont trois dimensions. Une dimension discursive, une dimension computationnelle, une dimension réticulaire, et que le livre numérique comprend lui aussi ces trois dimensions. Donc il est à la fois un discours, un programme et un réseau. Et je voudrais mettre en relation ces dimensions du livre numérique avec la double nature du livre imprimé, qui est à la fois un objet et une œuvre. Dans son cours au Collège de France, Chartier l'a dit de manière très poétique en parlant de l'âme et du corps du livre. Le livre est donc à la fois un objet incarné dans ses formes matérielles, celle du livre, du codex par exemple, et une œuvre, autrement dit un discours, un récit, une pensée, c'est-à-dire une forme immatérielle que nous pourrions caractériser d'intellectuel ou de spirituel. Alors Michel Foucault, évoquant cette double nature du livre dans l'archéologie du savoir, souligne que, je cite, « les marges d'un livre ne sont jamais nettes ni rigoureusement tranchées, par-delà le titre, les premières lignes et le point final, par-delà sa configuration interne et les formes qui l'autonomisent, il est pris dans un système de renvoi à d'autres livres, à d'autres textes, d'autres phrases, mieux dans un réseau. » Donc voilà l'idée, le livre est un nœud dans un réseau, et cette idée évoque le rhizome de Deleuze et Guattari, et c'est effectivement le rhizome qui s'impose à nous comme métaphore et comme représentation de l'œuvre. Et donc un rhizome qui est fait de lecture en plateau et qui se déploie dans deux directions, qui en tout cas articulent deux plans, celui, le plan matériel, une même œuvre à plusieurs formes, elle s'inscrit dans le continuum de ces remédiatisations où chaque forme se souvient de la précédente et la dépasse, d'une certaine manière, la transcende par une redistribution des contenus. Hein, c'est ce qu'on apprend de l'histoire des formes matérielles de l'œuvre et une redistribution des contenus avec une mise en page, une intervention de l'éditeur, du commentateur, de l'illustrateur, et puis le plan intellectuel avec les œuvres qui sont liées les unes les autres par l'intertextualité, ce que Jeannette appelle les hypertextes, qui sont des réécritures, et les métatextes, qui sont des commentaires, mais aussi les références, les renvois, les citations à l'intérieur même du texte. C'est cette double nature du livre avec ses formes matérielles et intellectuelles que le livre numérique, lui aussi, les transcende et les dépasse en intégrant le livre dans un système d'information, dans une base de données, dans une bibliothèque numérique qui peut restituer, donner à voir ces deux formes du livre grâce à la numérisation. Et c'est ce que fait Gallica, les formes du livre matériel dans le mode image et les formes spirituelles, ou en tout cas intellectuelles, dans le mode texte, dont on espère qu'il permet d'approcher, de saisir cette âme-là. Et donc, on sait aussi que l'œuvre, bien que close dans sa forme matérielle, c'est une œuvre ouverte. Umberto Eco nous le dit, hein, elle est ouverte par ses multiples lectures et ses interprétations. Et donc, on voit que l'œuvre, elle s'étoile en quelque sorte dans ses formes matérielles et intellectuelles, un étoilement du corps dans ses multiples formes et un étoilement de l'âme dans l'intertextualité et les renvois du texte. Donc c'est là qu'interviennent, selon moi, les trois dimensions du livre numérique exposé par Pierre, discours, programme, réseau. Ces trois dimensions redéfinissent la place du livre dans la bibliothèque. On attend de la bibliothèque numérique, non seulement qu'elle donne accès au texte, mais aussi qu'elle restitue leur forme et qu'elle actualise leur intertextualité. Voilà, et donc pour cela, voilà pourquoi on a choisi l'Odyssée. Parce que c'est une matière exemplaire, parce que pour expérimenter cela, l'Odyssée est citée comme telle justement par Pierre, par Foucault et par Jeannette, comme... je t'inscris dans une plus belle lignée, n'est-ce pas ? C'est la première œuvre de la littérature occidentale, c'est une œuvre intertextuelle qui fait le lien entre les rives de la Méditerranée, une œuvre hypertextuelle, une œuvre ouverte, c'est un monde fabuleux, de dieux, de hauts, de héros et de monstres, et c'est un monde bien réel de lieux, d'objets archéologiques et d'œuvres artistiques. Voilà, je regarde un petit peu l'heure quand même. Je voudrais, donc je vais parler très rapidement, donc vous avez compris, de nos objectifs qui étaient de remédiatiser l'œuvre, de l'éditorialiser et d'essayer d'en restituer les épaisseurs du sens. Notre méthode de travail, c'est de la recherche-création. Et donc, vous voyez, là, j'ai exposé rapidement quelques points théoriques pour vous dire d'où on part. Et à partir de ça, on a un atelier qui est en deux temps. On a eu un premier temps de séminaire avec quelques invités, une dizaine d'invités qui sont venus nous parler de questions technique, éditoriale, scientifique, dont Marianne d'ailleurs, hein, qui est venue nous exposer son travail d'alignement des traductions. Et puis un deuxième temps qui est un projet tutoré, donc avec l'équipe enseignante du Mestersen, où là les étudiants travaillent en mode projet et conçoivent les prototypes. Et puis le troisième temps sera la création originale, où on va essayer de travailler sur le concept et de l'Odyssée, la transposition du concept dans le monde contemporain. Nos hypothèses de départ, Aurélien en a parlé rapidement, je ne vais pas y revenir, c'est la géographie odysséenne, le voyage d'Ulysse comme principe de médiation et le récit d'Ulysse comme fil conducteur à l'interface. Les axes de travail, je vais mettre le PowerPoint à disposition, je vais peut-être avancer. En tout cas, on a travaillé sur trois questions en particulier, le corpus, la question du voyage et celle du récit. Et on a voulu travailler aussi sur une approche qui était géographique, chronologique et sémantique. Notre approche, c'est de travailler sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est l'expérience vécue par une personne lorsqu'elle utilise un produit, un service ou un outil. Et donc, c'est typiquement, en fait, la notion qui est importante quand on fait de la conception d'interface. Et donc, ça veut dire pour nous qu'on va considérer la page comme une interface ou l'interface comme une page, et le parcours utilisateur est pour nous le parcours de lecture. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre. Moi, je vous propose de regarder tout de suite les interfaces maintenant. Hein, Laura, tu... Bonjour. Donc, nous, on est les étudiants qui travaillons là-dessus. Donc, on est plutôt ceux qui s'occupent de la partie graphisme. Donc, c'est plus par sur là-dessus que je vais vous parler. Ça, c'était... Le problème, c'est que j'ai pas Internet, donc je vais les passer. Juste, en graphisme, on a pris, au début, on est parti justement du principe de l'Odyssée, comment restituer ce récit-là. Et donc, on cherchait graphiquement. Donc, ça, c'est des motifs qui sont présents dans les œuvres originales de la... sur l'Odyssée et sur l'île de Chios où serait peut-être originaire, enfin duquel serait peut-être originaire Homère. Il y a une tradition, des homérides. Il y a une espèce d'idée, donc on s'était dit que c'était peut-être pertinent d'essayer de réutiliser comme ça des motifs et des architectures en fait qui étaient présentes pour après pour notre travail. Pendant la session de travail, c'était une discussion assez amusante parce que là on est au-delà même de la question de l'utilisation de la carte et de ce que signifie une carte quand elle semble objectiver les choses. On est dans l'aspect décoratif. Et de fait, assez vite, il est apparu que ces motifs-là pouvaient être utiles pour des moments qui sont moins sémantiques dans un parcours, par exemple. Oui, voilà. C'est l'aspect d'illustration, c'est-à-dire plutôt que de mettre un fond gris ou une étoile, ça a plus de sens de prendre une image vectorielle qui vient de Bidokios. C'est un choix graphique, donc moi, voilà. Je vous l'expose comme nous, on l'a travaillé, mais c'est vrai que c'est pas... Donc après, on a pris un peu de liberté avec les œuvres, donc on a utilisé beaucoup les images. Bah, du coup, on avait les crédits de la BNF, donc c'est vrai que c'était assez bien. Et donc, notre problématique à nous, c'était de rematérialiser le récit d'Ulysse et le parcours qu'il fait, mais en ayant un aspect où on a du contenu quand même, et on a quand même des choses qui sont... Enfin, en utilisant les œuvres et tout ce qui a pu se faire en fait jusqu'à présent, quoi. On ne voulait pas faire des choses ex nihilo. Donc on est parti sur une espèce de plateforme qui est multi-interface. Donc dans l'idée de la page augmentée, on a fait cette espèce de bande défilée je vais vous montrer après qu'on a commencé à monter. Donc pareil, le projet est en cours, donc on n'a pas tout n'est pas exactement calé. On a réutilisé les œuvres en fait et on les a mixées avec d'autres choses et on a réécrit en fait les 15. On a découpé le récit d'Ulysse en 15 étapes principales et on les a re-scénarisées comme ça. Voilà. Donc on a cette interface principale. Donc c'est les documents patrimoniaux qui racontent en fait. Voilà, c'est ça. On utilise les œuvres. Donc ils restituent la profondeur historique et patrimoniale du texte. Ah oui. Ça vous a intéressé. Je suis devant. D'accord. Donc les interfaces ne sont pas encore définitives. Donc ça c'est le process. Donc on aurait une carte en index principal qui permettrait de naviguer sur la bande et vice versa. Donc on aurait des retours. Et donc ça se compose on l'a divisé en trois strates, on va dire. Il y a l'interface carte qui permet de naviguer si on ne veut pas défiler toute la bande, par exemple. La bande défilée qui, elle, raconte et est enrichie par les œuvres et par du son et par certains événements en plus qui se passent. Et sur certains épisodes, typiquement sur les sirènes, il y a d'autres personnes et d'autres personnes sont venues greffer en fait, du contenu en plus. Donc c'est là où en fait, les étudiants d'Aurélien interviennent avec le concours de Charlène qui n'est pas là et qui s'est occupée de ces interfaces-là. Où elle a créé en fait la bibliothèque des sirènes, mais j'y reviendrai après. Donc après sur la bande, mais c'est mieux si je fais une démonstration. C'est mieux si je vous montre le truc directement qui marche. Parce qu'on l'a. Donc c'est un travail qui est en cours, là, les étudiants sont à mi-parcours, il y aura une restitution qui sera à début juin. C'est une HTML et après on a utilisé des. En fait, la réponse intéresse tout le monde, je pense. C'est la question de la parallaxe. Qu'est-ce que c'est et comment on le fait ? C'est ce code HTML qui vous permet d'avoir une animation, parce qu'il y a plusieurs couches qui sont synchronisées, mais qui ne défilent pas en même temps pour autant exactement. Voilà. Ça donne cette impression de profondeur. Vous avez des plans différents, et au fil de l'évolution, il se passe des choses, vous pouvez insérer des événements. Voilà, donc en fait, sur le principe, on a tout monté comme ça. En fait, on avait vu ça, on avait vu j'avais des exemples, mais je sais pas s'ils vont marcher. On avait vu des BD, des choses qui existaient comme ça, et qui se constituaient un peu comme des théâtres. Et ce qu'on aimait dans cette forme-là, c'est qu'il n'y avait pas de rupture. Et dans le récit d'Ulysse, il n'y a pas de rupture, c'est un seul et même voyage. Et du coup, ça restituait bien, en fait, la forme même du du voyage d'Ulysse. Donc ça, c'est ce qu'on a monté, nous, pour le moment. Et donc, en fait, normalement, ça marche. Bon, pour le moment, c'est pas encore bien calé, mais on a des pop-up, en fait, sur les œuvres principales. On les a en intégralité, pas détourées, parce que nous, on a pris pas mal de liberté avec, quand même. Et donc, c'était de rendre un peu à César ce qui est à César. Donc, on avait du coup, les légendes là-dessus. Donc, sur toutes les œuvres, à peu près, je crois que sur toutes les œuvres, il y a normalement... Je ne sais pas si tout a été encodé, mais en tout cas, voilà. Et donc là, on a tous les épisodes qui sont résumés. Sur certains, on a des enrichissements sonores. Par exemple, là, on a... Odyssée, Jean IX. Donc, pour... si on peut les... Je lui reversai du vin de feu. Trois fois, je l'en servis, et trois fois, la prudent le but. Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui... Donc ça, c'est, voilà. C'est la traduction de Jacques Cottet, voilà. ce sont des extraits qui sont lus par Gérard de Sartre. On les a intégrés à la bande. Donc, la bande, donc on peut accéder au texte original, en fait, par des lectures. Pour le moment, d'une manière ou d'une autre, on a l'intention de mettre un peu de grec ancien, lui aussi. Oui, aussi. Donc du coup, il y a des possibilités maintenant de venir greffer des choses. Donc ça, c'est plus pour la partie... greffer, donc c'est en HTML. En fait, oui, c'est ça. La bande, elle est en HTML et après, le parallax, c'est une librairie jQuery qui a été greffée et une librairie JavaScript. On a utilisé des librairies parce que c'était... Enfin, le développeur n'avait pas la capacité de tout faire lui-même. Mais du coup, voilà, pour la structure de la bande. Et après, donc, on est en train de... En fait, on construit au fur et à mesure parce que comme la forme n'existe pas à l'origine, on est un peu obligé d'utiliser de tricher, de bricoler, en fait. On bricole aussi pas mal. Donc, pour le coup, de toute façon, le numérique est beaucoup du bricolage. Donc, voilà. Ça, c'est une partie où je vais pas trop m'étendre parce que c'est pas trop celle dont je m'occupe. C'est plus la personne qui s'occupe avec vous de XML. Donc ça, ce serait un enrichissement qui serait, en fait, sur la bande défilée principale, il y aurait des entrées vers des enrichissements possibles. Il y a d'autres étudiants, il y a Alexis aussi qui travaille sur quelque chose en 3D, en réalité augmentée sur les sirènes. Donc Charlène qui travaille aussi sur la bibliothèque des sirènes. En fait, ça permet à d'autres gens de venir greffer d'autres choses et d'autres enrichissements. Moi, je peux en dire un mot. L'idée, c'était de catégoriser, en fait, de proposer un parcours de lecture à travers les ressources, et donc de catégoriser les ressources qui sont les sirènes. Et en fait, on part sur l'identité des sirènes, toute la tradition sur qui elles sont, quel est leur nom, ce qu'elles représentent. Et donc, on part ici. En cliquant ici, en fait, ça s'ouvre comme ça, et on ouvre cette fenêtre-là. Donc, c'est un système de vue, en fait, sur des ressources qui s'affichent. Donc on ouvre ici, et à chaque fois qu'on ouvre, on déploie d'autres catégories. Donc au premier tap, on a la notice de l'œuvre qui vient de la base Omeka sur laquelle les étudiants d'Aurélien travaillent, qui constitue notre base de ressources, qui s'affiche ici donc par un système dynamique. Et à chaque fois, on va plus profondément, en fait, dans la catégorisation des ressources qui sont proposées sur un corpus d'une centaine de textes et d'images. Oui, est-ce qu'on reste sur la même page ou Non, c'est une autre page. Hein. Il y a trois interfaces. Voilà, en fait. Il y a trois pages. Hein. Voilà, la carte, la bande dessinée. On a découpé ça en trois strates. Et c'est la mosaïque qui permet d'accéder à chaque fois. Voilà. Et reviens s'il te plaît. Et quand on est par exemple ici, on clique sur un extrait du texte. Là, on n'a qu'un vers en fait. Et cet extrait du texte ouvre la descend. Une fenêtre en fait sur l'interface. Oh, d'accord. Ça s'ouvre en fait comme ça. C'est un système de. Ça zoome en fait sur la partie qu'on va ouvrir. Et en ouvrant, ça découvre les contenus. C'est un code qu'on a récupéré sur GitHub. Donc pareil, on a récupéré, on a tout. Descends un tout petit peu pour montrer la partie textuelle. Donc voilà, la partie textuelle, en fait, on a le texte principal qui s'affiche et on a un côté avec les métatextes, qui sont les commentaires, en fait, qu'on essaye d'aligner, en tout cas manuellement, avec le texte de l'Odyssée. Et ici, on a des réécritures et donc on essaye de faire correspondre sur la lecture du texte principal, les métatextes et les hypertextes. Et quand on clique, en fait, sur la réécriture, là, le texte se réduit, donc c'est toujours dynamique sur le même principe, et c'est le texte qui est là, qui vient ici en réécriture, qui s'affiche en plein écran, et donc, de cette manière, on peut circuler dans une sélection du corpus. Voilà, monsieur. J'ai juste une question, j'ai pas bien compris si c'était une application autonome ou si c'était en ligne. C'est en ligne. Ce sera optimisé pour tablette plutôt parce qu'il y a beaucoup d'effets de scroll et en fait le parallaxe a vraiment un intérêt sur la tablette parce qu'il agit avec même le positionnement de la tablette, ce qu'on peut pas faire avec l'ordinateur. Ouais. Et même avec le portable, donc c'est plus optimisé donc, tablette. C'est en fait, responsive design, quoi. oui, on est un peu de toute façon dans ces problématiques-là. Et c'est pour ça que la bande là est pas idéale dans le format. Enfin, elle passe vraiment comme ça. C'est vraiment calculé pour une tablette. En réalité augmentée ou des choses comme ça. C'est pas dans la tablette sur peut-être des, sur ce serait, ce serait, c'est un peu ce que proposait Alexis en fait en enrichissement en fait de ça, en le mettre en parallèle. Nous, en fait, on voulait monter la structure du récit d'Ulysse et permettre aux autres... Comme on est, c'est un projet, on travaille tous en groupe dessus, mais c'est plein de groupes qui travaillent sur le même... Comme la réalité augmentée, c'est tout de suite un autre niveau de compétence. C'est un peu différent. Autre chose. Ce qui fait que l'étudiant qui peut travailler sur ça, je ne sais pas où il en est du tout, mais on imaginait que c'était très bien pour le passage des sirènes. Je peux peut-être en dire un mot, un masque de réalité virtuelle et se retrouver dans un environnement qu'on a défini en fonction de certaines choses et être attiré par les sirènes, c'est assez séduisant. La question est comment est-ce qu'on en rend compte ensuite dans cette interface? De même qu'on se pose la question comment est-ce qu'on imprime un projet, on peut se poser la question, le HTML en ligne sur un navigateur là est moins performant que la tablette. Alors maintenant il y a la réalité augmentée, comment est-ce qu'on va rendre compte dans la tablette de l'expérience de réalité augmentée? Donc c'est infini comme déroulement des supports, des technologies, mais il faut bien trouver un moyen de... d'articuler les... Ça s'articule, oui, ça s'articule de manière suffisamment intéressante. Effectivement, un des étudiants de notre équipe travaille sur la réalité virtuelle et sur les applications Oculus, on en avait parlé avec Marianne, et donc l'idée étant d'essayer de restituer l'expérience sensible, en fait, de sensorialiser l'expérience des sirènes et de voir finalement quelles étaient à la fois en termes de, comment dire, d'expérience utilisateur et puis avec un système de voix, ce qu'elles disent, comment elles nous flattent, et essayer de restituer les différentes traditions d'interprétation de ce que sont les sirènes par les images qui seraient vues dans cette casque. Je n'avais pas pensé avant, mais je pense que c'est le moyen de financer le projet il y a 10 ans. C'est un étudiant qui compte faire une thèse justement sur les questions de fatigue visuelle. Là. Ouais. Ouais, c'est un très très beau projet qui est multiple, varié, etc. De mon point de vue, comme je m'intéresse essentiellement au corpus mythographique, c'est-à-dire à la reformulation déjà dans l'Antiquité d'un certain nombre de poèmes sous une forme historiée. Là, pour être clair, vous avez pris la partie du récit fait par Ulysse dans l'Odyssée. C'est pas l'ensemble de l'Odyssée. Non, on a pris vraiment cette partie-là. Parce que, en fait, si vous parlez de l'Odyssée dans son ensemble, il se pose le problème des différents narrateurs. Oui. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait, si on étendait, c'est déjà le truc, si on étendait à l'ensemble de l'Odyssée, comment est-ce qu'on pourrait articuler la question des deux narrateurs, puisqu'il y a une partie de l'Odyssée qui est racontée par un narrateur omniscient, Homère, etc. Et puis la partie qui est racontée par Ulysse qui n'a pas forcément le même statut. Je pense par exemple à un film que j'aime beaucoup par ailleurs des années 60, l'Odyssée des années 60 avec Kirk Douglas, où cette duplication du statut passe par le mode de l'amnésie. Tout d'un coup, le personnage d'Ulysse que l'on voyait comme ça directement se rappelle et en fait visionne de l'intérieur sa propre mémoire, ce qui restitue un peu la double parole. Donc si on adopte un projet de type mythographie, c'est-à-dire raconter l'histoire, ce qui correspond au champ 8 à 13 grosso modo, tout ce que vous avez fait ça marche très bien, est-ce qu'on peut imaginer ou concevoir une deuxième strate ou une deuxième façon de mettre en scène? On l'avait un peu pensé comme ça déjà, justement, je sais plus quel intervenant nous avait parlé justement de la structure même du récit, qui était un seul grand récit avec plein de petits récits à l'intérieur. Et le fait de venir greffer des expériences extérieures et sur cette même bande, en fait, qui serait le fil conducteur, et de venir greffer justement d'autres choses là-dessus, c'était un peu dans cette idée-là, justement, de prendre en compte le fait qu'il y ait plusieurs narrateurs et le fait qu'il y ait un récit comme ça qui soit à la fois linéaire, mais à la fois complètement stratifié. Ce que vous donnez là comme forme de base, c'est le récit d'Ulysse. Oui. Or, justement, la stratégie de l'Odyssée, c'est de donner la possibilité de remettre en cause le récit d'Ulysse. Donc là, vous inversez, ce sera intéressant de vous donner l'impression que c'est ça qui forme le fond, alors que dans la stratégie littéraire, qui est caractéristique de l'œuvre Odyssée dans son état actuel, c'est justement ça qui est peut-être ça fait partie ambigu. C'est le rapport à la réalité. Ça fait partie des dimensions critiques qui sont intéressantes, comme, de même que la carte, la dimension du récit. Exactement. On avait réfléchi à ça. Mais il faut voir qu'on peut renverser la question. On peut se dire comment en faire quelque chose d'intéressant à partir du projet qui est de donner à un utilisateur ce qu'il attend, à savoir des épisodes qu'il connaît, qu'il a lu peut-être séparés dans des livres pour enfants avec des images à 7 ans, puis qu'il a vu au cinéma, repris, avec déjà de l'intertextualité. Et comment est-ce qu'à partir de là, on peut insérer une dimension problématique, on peut insérer par exemple des questions de réception antique, puisqu'on a un certain nombre de passages de ce genre-là. Comment est-ce qu'à un moment, on peut cliquer et voir que dans l'Antiquité, finalement, dans le reste de l'Antiquité, les sirènes ont eu des statuts assez différents et ne sont pas simplement cet animal qu'on voit sur deux amphores qu'on a montré avant, ni uniquement du côté de la séduction, comme peut-être l'expérience du casque le montrera. Donc, rajouter cette dimension problématique. Et la question du récit, en fait, elle est quand même intéressante pour unifier l'expérience dans l'interface. C'est pas un projet sur l'Odyssée de ce point de vue-là. Bien sûr. C'est vrai qu'on avait deux hypothèses de travail qui étaient le voyage et le récit. Ah, ouais. Et que c'est effectivement, dans nos réunions préparatoires entre masters, on a choisi le récit du disque comme fil conducteur et comme mode de médiation. Ouais. Et la réponse la plus précise, c'est que c'est complètement une expérimentation, des prototypes, et on se concentre sur les sirènes et finalement les Circé. Ça aurait pu être autre chose, il y a toutes les bandes, mais on enrichit en fait certains passages, parce que c'est sur ça qu'on a besoin de travailler. Non, c'est super, mais je me demande si on ne pourrait pas, à partir de ce travail, essayer de renverser en fait, la structure pour voir ce que donnerait un projet qui ne prendrait pas justement le récit comme base pour produire quelque chose que le spectateur justement n'attend pas, et produire une autre forme d'Odyssée qui serait conforme à d'autres interprétations que l'on peut faire de la structure. C'est-à-dire, oui. Donc, créer quelque chose qui ne soit pas fondé sur le récit. Est-ce que ça serait lisible en fait? Est-ce que ça serait acceptable? Ou est-ce que nous sommes trop conditionnés par la forme du récit? Dans l'idée des parcours, quand on avait travaillé avec Patrick Morantin, pour moi c'est l'occasion de parler de lui, qui était un conservateur BNF et qui était le commissaire de l'exposition Homer qui a eu lieu à la BNF il y a une dizaine d'années. Et donc lui nous parlait des figures de la séduction et des femmes, de la rencontre avec les femmes qui en fait tissaient un autre parcours à l'intérieur de l'Odyssée. Et effectivement, ça aurait pu être un autre choix de suivre finalement les rencontres féminines. Bon, c'est vrai que par commodité, et puis c'est aussi. Quand on travaille sur l'expérience utilisateur, on essaie de répondre à un besoin supposé de l'utilisateur. Et donc, le récit chronologique d'Ulysse nous semblait le moyen le plus naturel pour mettre en scène les documents. C'est un moyen. Je trouve qu'il y a une belle métaphore dans l'idée de la bande qui est le récit. Et finalement, les échappées sur deux passages principalement ou pour des métadonnées par pop-up sont une autre dimension et permettent d'intégrer autre chose. On pourrait très bien imaginer, c'est pas le cas, mais qu'il y a un épisode, on clique, on sort, et on commence par nous dire cet épisode n'est absolument pas raconté dans l'Odyssée. Vous voyez ? On pourrait très bien imaginer ça. Oui, Aïda, elle voulait faire quelque chose comme ça, parce qu'on était plusieurs aussi à poser des... Mais là, justement, ce qui est... Enfin, j'ai juste une... Et même en reprenant l'idée de profondeur qu'on pouvait avoir, ça donne un peu l'impression qu'on rentre dans un récit aussi, même dans ce sens-là. En fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir les interlocuteurs au fur et à mesure dans lesquels on va, enfin, avec lesquels on va interagir au fur et à mesure, qui vont dérouler différentes bandes sur un système arborescent plutôt linéaire. En fait. Tu veux dire les couches aussi? Oui. Les couches de... Ah oui, ça j'ai... Je sais pas comment vous avez travaillé. J'ai toujours vu ça plus comme de l'illustration tout au fond, et puis ensuite un relief plus grand pour la première, et puis une couche intermédiaire. Mais après, ça, ce sont des éléments de décor. En revanche, tous les éléments des personnages correspondent à des documents patrimoniaux et renvoient sur des documents qui sont dans Gallica. En fait. Et le choix du deuxième et du premier plan, voilà, par exemple. C'est ça. Et là, c'est plus graphiquement, enfin vraiment, on l'a vu d'un point de vue visuel. On a respecté ça exactement. D'un point de vue diachronique aussi, du coup. Oui, pouvoir avancer. On avait évoqué cette possibilité-là, ouais. Mais c'était un peu compliqué techniquement, donc en fait par rapport au temps qu'on avait, on avait évoqué même la possibilité d'inclure des vidéos, essayer de voir si les parallaxes pouvaient s'écarter, si on pouvait rentrer à des moments comme si c'était une forêt en fait, et que parfois on avait un chemin qui nous était proposé dans un autre sens. Donc on avait évoqué ça, c'est possible qu'on s'y intéresse un peu quand on aura plus avancé cette partie-là, mais c'était un projet. Par exemple, quand tu as des épisodes qui sont dans deux récits différents mais qui ont lieu en même temps, tu peux les retrouver finalement sur deux mêmes niveaux, alors que le locuteur n'est pas sur le même niveau que toi, donc ça peut être... Oui, ça peut être des entrées au fur et à mesure. C'était évoqué, donc ça, si on attend... Ça pourrait mieux être une matérialisation de cette question du récit, en fait. Le récit du lisse sur une couche, identifié avec une couleur davantage, une teinte, plus que l'autre, et puis au deuxième plan, des choses qui sont ajoutées sur le mode de la narration, ça pourrait être intéressant. Après, techniquement, vous nous avez dit, c'est très intéressant, que la complexité et le, la consommation de CPU de l'ordinateur fait qu'au-delà de trois couches, on ne va pas se lancer pour un projet comme ça. En fait, après, ça alourdit. L'intérêt du parallaxe, c'est que ce soit fluide. Un parallaxe pas fluide, c'est pas intéressant parce que ça lag, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, si on veut garder. Peut-être qu'on pourra essayer de rajouter une couche ou deux à certains endroits. On verra, en fait, selon ce qui est possible. C'est vrai qu'on tâtonne, nous aussi, parce qu'on n'a pas encore fait ce genre de projet. Bien donc, sûr. On découvre au fur et à mesure. Si on a la possibilité, à certains endroits, de rajouter des couches, on s'était fixé trois pour rester... C'est dû à compréhensible. Bah, le chargement des images et l'interaction... Ça et vous voulez ajouter du texte aussi, de voir davantage les documents, les formes matérielles dont je parlais, puisque là on a beaucoup d'illustrations, donc on voulait ajouter des manuscrits et des étapes dans la transmission du texte, de manière à ce que ça puisse rythmer aussi le parcours et qu'on puisse accéder à ces documents-là également. Donc c'est un travail qui est optimisé pour tablette et téléphone. Si on fait quelque chose de trop lourd, ne serait-ce que rien qu'avec de la plateforme, elle va exploser en fait. Parce que bien sûr que sur l'ordinateur c'est fluide, mais par contre moi par exemple juste là avec trois couches, je l'ai mis sur mon téléphone et mon téléphone s'est éteint. Juste pour ça remonte. Et pourtant c'est un téléphone tout ce qu'il y a de plus normal. Donc il y a ça aussi à penser. On est un peu bloqué même par ça, c'est que par le choix de plateforme qu'on a fait, on doit s'adapter. Je ne sais pas comment vous avez évolué de ce point de vue-là depuis la dernière fois, mais les espaces entre les épisodes, puisque tous les épisodes sont présents, 15 successifs, mais de manière continue. Donc il y a les deux, il y a cette continuité et cette discontinuité. Et donc il y a des épisodes moins signifiants, avec des illustrations qui sont pas liées, qui ne sont pas patrimoniales, tout simplement, enfin, pas au même niveau. Mais ces espaces-là peuvent aussi donner autre chose à voir. Il pourrait y avoir précisément la tradition manuscrite qui est rappelée à ces endroits-là entre les deux. Oui. Ça pourrait être une façon d'avoir un contenu différent dans l'espace de transition. Okay, je voulais dire un contenu qui serait à lire, en fait. Oui, aussi. Voilà. Ou même à la page d'un manuscrit, hein, ou d'une traduction d'acier. Dans ce cas-là, exemple, il faudrait qu'elle sorte presque en pop-up, parce que si elle reste dans la vente, les gens n'y vont pas, les gens ils font ça. Non, c'est la décision de la lire. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que. Bah, comme le pop-up, en fait, dans le même principe. En plus, c'est moins lourd, c'est du texte, donc. Tout le reste passe à l'arrière. Ça, ouais, ça. Toutes vos réactions sont précieuses pour nous parce que justement ça nous permet de, à la fois sur le plan de l'interface et aussi sur le plan de la construction du parcours utilisateur, c'est tout à fait précieux d'avoir vos avis. J'ai une question sur la dernière partie qui est l'évaluation du retour utilisateur. Comment est-ce que vous allez procéder? Alors, c'est au niveau de la chaire. On a un partenariat avec Ergo Design, qui est un laboratoire d'ergonomie cognitive au Lutin. Lutin et Gobelin, en fait. Et donc, on va travailler avec eux à la fois sur un protocole d'évaluation des livres enrichis, des livres augmentés, et de ce type de proposition qui, déborde dans le cadre du livre. Et donc, on travaille dessus en ce moment. Ils ont des barres oculimétriques, ils ont des questions sur tout un questionnaire sur la compréhension du texte et la restitution de ce qui a été lu et compris dans des questionnaires à choix multiples. Je pense que ce sera au semestre prochain. Hein. Déjà, les étudiants doivent terminer le prototype en juin. Peut-être que l'atelier va être reconduit au premier semestre de l'année prochaine pour finaliser quelques questions, notamment l'interfaçage avec le travail d'Aurélien et la base Omeka, qui on voit bien où est-ce que ça s'inscrit, mais c'est pas encore opérationnel concrètement. Et donc c'est un projet, comme je vous le disais, hein, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme BMF où on a des moyens et on a la possibilité de prolonger ce type de prototype si c'est concluant, si ça porte un intérêt au-delà de notre propre master. L'évaluation, il y a la question de la diffusion aussi. Hein. Et on n'a pas beaucoup parlé, en fait, comment tu imagines avoir des utilisateurs. Parce que tu parles de barres oculimétriques, là. Alors clairement, là, tu es dans un public captif de gens qui viennent en tant que cobayes regarder un écran et on regarde ce qui se passe. Ouais, c'est mais ça. Là, on parle aussi de quelque chose qui va être en ligne. Sur l'App Store. Voilà comment on fait pour avoir un retour. Ça, c'est des décisions qui sont prises avec la BNF. Hein. Ouais, ouais, donc, évidemment, c'était tout à fait convenu, enfin prévu, de mettre en ligne le projet, si tant est, évidemment, qu'il réponde aux attentes de la délégation à la stratégie de la BNF. Et donc, moi, je ne peux pas... Je pense que le travail qui a été fait est vraiment très, très intéressant, très abouti et très séduisant, et qu'effectivement, il a un intérêt en tant que tel. Mais la décision de mettre, par exemple, ce projet sur le site de la BNF et de l'ouvrir au public sera prise au terme du prototype. Mais je pense que ce sera en ligne. En tout cas, je l'espère. J'ai une autre question sur la relation avec la base Omeka. Je n'ai pas bien compris. Les données sont appelées en temps réel dans la base Omeka ou non, l'idée, c'est de les exporter pour qu'ils puissent les intégrer. Elles sont exportées une fois. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, ça nous sert plutôt de plateforme, de brouillon. Tout est là. Et puis à un moment, il faudrait qu'il y ait une connexion qui soit achevé, qu'on exporte. D'accord. On a travaillé de manière un peu parallèle, c'est-à-dire qu'à la fois les étudiants ne savaient pas a priori quels documents ils allaient utiliser, et les étudiants d'Aurélien avaient leurs propres objectifs pédagogiques qui vont nous exposer, et sur effectivement l'interconnexion des données, l'interrelier des données. Et donc c'est vrai que cette partie d'articulation, on a prévu les interfaces, mais c'est à venir. Oui, bah c'est à... Il y a 3 mois, vous ne saviez absolument pas ce que ça donnerait et de quoi il s'agissait. Arnaud avait une idée, mais Arnaud a parlé de l'EPUB qu'il a produit il y a quelques années, par exemple. Bah, ça, c'est pas un EPUB. Ça aurait pu être ça. Sur le papier, au départ, ça pouvait être un EPUB. Ça pouvait aussi être un site web avec simplement des pages reliées. On clique et on va d'une page à une autre. Ce qui permet que ce soit plus standard et que les gens sachent comment l'utiliser aussi. Hein. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, c'est très différent. Le même problème se pose du point de vue de la collaboration. Tant que vous n'aviez pas commencé à travailler et vous avez commencé plusieurs semaines après nous, calendrier de ma sœur, on ne pouvait pas du tout savoir où on allait. Donc on essayait d'introduire Omeka, par exemple, qu'on n'avait pas utilisé, qu'on n'avait pas donné du tout, de réfléchir à partir des collections de la BNF parce qu'on savait qu'on pouvait exploiter avec les droits ces documents-là, alors que sinon il faut prendre des images libres de droit. Ou chercher des choses et parfois constater qu'on n'arrive pas à savoir où sont les droits ou qu'on ne pourra jamais les obtenir. Et puis pour le texte enrichi qui est l'autre façon, qui est le prolongement de notre premier semestre sur du XML, l'encodage TEI, on partait de l'idée qu'on allait avoir des entités nommées, dont je parlais tout à l'heure, encoder les noms de lieux en particulier pour la carte. Et puis la carte, au fur et à mesure du projet, finalement est devenue une sorte de table des matières, d'index. On se demandait si elle est tout le temps présente, flottante, quelque part sur un site. Finalement, c'est une porte d'entrée parmi d'autres. L'idée, c'est qu'on puisse, dans n'importe quel moment de la bande défilée, d'Afrique, bande défilée, mais on s'est posé la question, une fois qu'on a vu le terme, c'est quelqu'un qui a eu cette idée de faire ce jeu de mots amusant avec bande dessinée pour faire du site interactif, etc. On s'est aperçu que finalement, ça ne pouvait pas être comme ça, que c'était une sorte d'entrée, et qu'au lieu de reprendre tous les lieux mentionnés dans l'Odyssée ou dans les passages qui nous intéressent et qu'on a encodés, on allait en avoir certains qui seraient actifs, et actuellement on se dit que ce que les étudiants ont encodé à travers la plateforme Recogito dont je parlais tout à l'heure va servir à mettre des points, mais qui auront un autre statut sur la carte. Ces points sont mentionnés dans l'Odyssée, ce qui est toujours une information intéressante, mais qui n'appelle pas un lien vers un épisode de la frise, ni une page particulière. Donc c'est de l'information faible par rapport à ce qu'on imaginait en faire au début. Et pareil pour les noms de personnages, ou pour des annotations thématiques, où on était allé jusque-là, la question narratologique. Comment est-ce qu'on distingue différents niveaux? Quels sont les locuteurs à chaque moment? Alors peut-être que sur un passage ou deux qu'on mettra dans la partie Circé, par exemple, je fais des gestes pour l'enregistrement, parce qu'il y a cette métaphore donc, de l'horizontalité du récit, et puis de manière verticale, on va vers la complexité d'un épisode, et bien dans la partie la plus complexe, on peut avoir des textes enrichis, dans lesquels on passe d'une traduction au texte grec, où on voit en couleur, par exemple, tous les noms de lieux qui sont mentionnés. Comme c'est très simple à faire, ça coûte pas grand-chose, oui, ça montre qu'il y a une direction vers laquelle on pourrait aller. Mais finalement, c'est intéressant, c'est comme c'est un prototype très innovant du point de vue de l'interface, et ça, on ne savait pas jusqu'à quel point ça le serait au début, eh bien, les façons de travailler, j'allais dire traditionnelles, à savoir encoder le texte en TEI, ne sont pas directement transposables et utilisables, jusqu'à un certain point, mais pas de manière très riche, finalement. C'est la partie bibliothèque de l'Odyssée, hein, où on imaginait par épisode, enfin en tout cas pas pour tous les épisodes, mais d'avoir la bibliothèque de Circé, la bibliothèque des sirènes, la bibliothèque de Cyclope, là, appelé un XML enrichi, où on aurait accès au texte, accès aux œuvres liées, et il y a, du point de vue de la BNF, hein, vraiment une volonté aussi de faire utiliser la base Modèse et Médailles du cabinet des médailles et qu'on puisse articuler les collections de la BNF à des textes que vous pourriez vous-même travailler et encoder pour d'autres usages. Et donc, ce sera sans doute l'occasion aussi de faire rencontrer la directrice du département qui vraiment soutient le projet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est très demandeuse finalement d'articuler les collections de la BNF et du cabinet des médailles en particulier, hein, qui sont toutes interopérables dans une base spécifique, hors Gallica, avec des travaux plus philologiques que vous pourriez faire, mais où ça prendrait sens finalement d'enrichir les textes par des œuvres. Pour la petite plus large, à mon avis, c'est l'avenir. Hein. C'est que les institutions patrimoniales qui conservent les textes, les images, voire les données simplement, puissent être ouvertes à la recherche et à la pédagogie, c'est-à-dire et au travail sur les corpus comme initiation à la recherche et comme participation à la conservation des patrimoines. Il nous reste quelques minutes. Les étudiants de Paris-Ouest, qu'est-ce que vous avez comme réaction? On a vu la parallaxe qui bouge. Par rapport à l'autre fois. Oui, l'autre fois, elle bouge. Qu'est-ce que vous voudriez dire qui vous semble important que les gens qui ne connaissaient pas le projet il y a 2 heures entendent ou vos réactions? Ce que vous voulez. Vous dites ce qui vous a plus intéressé et les parties dont vous étiez plus responsable. Moi, je trouve que pour les sirènes, la réalité augmentée, ce serait vraiment bien. J'avais des questions en ce qui concerne la cible du LIS, parce que c'est quand même au centre du projet. Comment on insiste sur le fait que c'est le récit du LIS, enfin, comment on commence en fait la prise? Parce que là, je vois le début, on est déjà dans le récit. Est-ce qu'il y a un moment où on ne pourrait pas créer une liste qui parle dans le cadre du Gilles-Bassin? On s'est posé la question justement de rajouter un épisode qui serait zéro en fait, qui expliquerait ne serait-ce que le principe de ce qu'on avait voulu faire comme plateforme, parce que justement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est pas une forme classique, donc ne serait-ce que pour expliquer à l'utilisateur comment ça marche et quel parti pris on a décidé de choisir, et justement oui, expliquer, il était question de ça, et peut-être que ce serait intéressant de le développer avec vous justement en cours là dans les prochaines semaines. On avait imaginé aussi un environnement sonore, voilà, c'est-à-dire ça, que oui, il y avait ça aussi, voilà, qui est en cours, ça, c'est-à-dire que à la fois baigné dans peut-être une musique reconstituée ou qui, comme on en peut entendre par exemple dans les reconstitutions radiophoniques où on a et puis déclencher quelques vers qui pourraient être soit du récit de Lys, soit du grec, entendre du grec et enfin, de pouvoir voilà au fur et à mesure du scroll de la parallaxe, déclencher des petits éléments sonores qui participeraient aussi de la réception et de la compréhension de l'interface. Oui. L'environnement sonore peut être la réponse pour ça. Au moment où on arrive, quelque chose se passe qui introduit à l'expérience de la réception. En plus du déclenchement, en plus des épisodes lus. Ouais, rajouter des... Même quand on entend le récit, enfin, on entend que c'est lui, s'il dit « je ». Oui. On, avec ce fond sonore, on a peut-être plus la distance, ouais, on a peut-être la dimension qui manquait, voilà, qui s'agit vraiment d'un récit dans la bouche et la pensée de quelqu'un. Ou alors, pour reprendre la question de Charles, effectivement, est-ce que l'environnement sonore peut intégrer le fait qu'il y a la haine ou que nous sommes les haines, enfin, les gens qui ont construit ensemble? Peut-être qu'il y aurait un premier écran avant même la chute de Troyes, que c'est la toute mise façon, en scène. Il faudra de la un épisode zéro, ça tant. Oui. Il faudra finalement ça peut être une petite animation qui dure 15 secondes. Parce qu'on l'avait pas vu monter en fait avant ce matin, et c'est vrai qu'en le voyant monter, c'est ce qui nous a marqué, c'est qu'il manque, il manque d'un début en fait. Ouais, il n'y a pas de fin, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas fini, mais ça manque d'un début, ne serait-ce que maintenant. Mais on l'a vu ce matin. Enfin, du coup, comme c'est en cours, c'est vrai que. Ça peut même être l'écran de chargement pour. Par exemple, ou ne serait-ce que pour expliquer ce qu'on a voulu faire, ou. Ouais. Elle peut expliquer le panorama, l'ensemble, et ensuite déléguer sa parole à Ulysse, qui, et ensuite on rentre dans la succession des narrateurs. La aide explique finalement comment ça marche, et ensuite Ulysse la suit sa propre parole. C'est ça. Voilà. À un moment, on s'était demandé s'il y allait avoir des textes entre chaque épisode, enfin, au début de chaque épisode. Et on était même parti sur l'hypothèse que l'étudiant allait devoir chacun prendre quelques chants et résumer le chant en. Et dans un message de Darnay, ça devenait. Oui, alors. Ça peut être en, par exemple, 150 signes. Un tweet pour résumer chaque chant de l'Odyssée pour la semaine prochaine, allez-y. Et on ne sait pas si c'est bien efficace, évidemment, comme procédé de le réécrire de cette façon-là. Bah, on a des résumés antiques. On a des résumés antiques. Ouais, ça pourrait être intéressant que ce soit. On peut très bien reprendre. Oui. Et oui, parce qu'on a des cartouches ici, en fait, oui, où on a voulu caractériser. Alors, c'est pas l'éditorial, la forme éditoriale n'est pas finie, mais on voulait effectivement dans le cartouche juste raconter le récit. Ça correspond en plus à des pratiques réelles qui sont des pratiques à la fois scolaires, pédagogiques et intellectuelles, qui consistent à fournir différents types de résumés, par exemple pour l'Iliade ou pour l'Odyssée. Et on a différents types de textes qu'on appelle des hypothèses. Certaines sont introduites par un nom, enfin un substantif ou une expression qui résume l'ensemble, de type combat d'Achille contre Hector, ou par une phrase, et ensuite suit un résumé plus ou moins long, plus ou moins court. Ça correspond exactement, en fait, et on peut très bien retrouver des textes authentiques, des textes qui ont réellement existé, qui sont réinjectés aussi. Et puis c'était une pratique scolaire, de toute manière, à résumer. Ça ferait sens. À résumer, à commenter. Enfin, on a toute une masse documentaire sur papier en particulier qui pourrait aussi. Après, ce serait très bien d'avoir pour un chant le résumé de Jacotet, pour un chant un résumé du premier siècle, et de voir la différence. C'est vrai qu'il y a les résumés de Jacotet. Le but n'est pas que ce soit inventif et que ce soit. Et que ça représente bien le contenu de chaque chant. C'est vraiment un prototype. Parce qu'après, on avait cette volonté de faire des strates, en fait, selon les utilisateurs. Il y en a un qui n'aura pas le temps, qui va passer rapidement, qui va peut-être ne voir que la première strate. Et puis ceux qui veulent s'intéresser au récit, rentrer plus profondément, en fait. On avait envie de cette. Un peu comme un feuille. Des illustrations. Vous avez des illustrations issues de différentes époques, différents contextes. Et on peut faire la même chose pour oui, les textes. Avec les textes, tout à fait. On a les textes modernes, mais on a aussi des textes antiques. Et les textes antiques, voilà, tout à fait. Réexplicites, commentent, recomposent le lycée. On pourrait très bien associer les. Enfin, dissocier l'ensemble pour montrer la diversité. Sans se demander comment le faire, Antoine en particulier a travaillé sur ce qu'on appelle les réceptions antiques. On ne savait pas trop comment l'intégrer, mais on a un certain nombre de textes qui sont intéressants de ce point de vue-là. Souvent, ce sont des traditions d'interprétation, où c'est une allégorisation, une calculation morale, des choses comme ça. Mais montrer que ça existe au lecteur, ça peut être vraiment intéressant. Alors, je crois que nous allons devoir interrompre le séminaire. Comme toujours, je suis désolé de le dire pour ceux qui n'entendront que cet enregistrement, le séminaire peut se poursuivre brièvement au café, si vous le souhaitez. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Il y aura des traces en ligne de cette séance. Et les vraies traces sont le réseau, c'est-à-dire nous. Merci.